Votre super revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je m'appelle François Marginal, je serai avec vous pour les deux prochaines heures sur l'émission. Et puis, vous êtes à l'écoute des ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM. Alternative à Montréal et dans le monde. Alors, nous en sommes à l'édition du 28 mars 2011. Alors, voilà, le mois de mars est terminé. On s'en va ensuite vers le mois d'avril, vers déjà la fin de la saison. Radiophonique ici à Choc FM. Alors, donc voilà, nous, cette semaine, nous allons parler de deux choses très importantes. C'est évidemment le dossier de la guerre en Libye. Alors, l'agression, disons-le, l'agression militaire de la Libye par les pouvoirs occidentaux. Donc, on va parler de ça, éclaircir la situation par rapport à ça. Ensuite, évidemment, qu'on va se pencher sur le très lourd dossier là, du Japon. Alors, la situation continue de se dégrader à la vitesse de la lumière. C'est vraiment pas rose ce qui se passe là-bas, c'est en fait très inquiétant. Donc on va essayer de garder ça le plus informatif possible sans embarquer dans les émotions parce que réellement, là, il y a quasiment de quoi paniquer. Là, c'est vraiment pas drôle là, ce qui se passe là-bas, chers amis. C'est vraiment hors de contrôle. Et puis quand je dis hors de contrôle, c'est vraiment hors de contrôle. Il n'y a aucune solution. Et puis les gens qui sont responsables là-bas, TEPCO et puis le gouvernement, réellement ne savent absolument pas quoi faire. On essaye de façon désespérée de prendre contrôle de la situation, à tout le moins en tout cas, d'éviter la fusion des cœurs nucléaires, ce qui est déjà en train de se passer dans probablement trois des réacteurs. Des taux de radiation, des taux de radioactivité absolument alarmants qui sont mesurés non seulement à Fukushima, mais un peu partout dans le monde. Disons qu'on va faire un bon tour de la question des nouvelles les plus importantes qui sont sorties cette semaine par rapport à ça. On va essayer aussi de prendre le temps d'expliquer un peu c'est quoi la radioactivité, c'est quoi les rayonnements, radiation. Essayer de démêler les choses un peu pour mieux comprendre parce que là, on va avoir besoin d'être armé en information pour mieux comprendre ce qui se passe réellement. Puis après ça, réagir aussi de façon plus appropriée. Et puis, on va y aller aussi avec un petit peu d'actualité mondiale, d'économie. Donc, on va essayer de faire ça assez rapidement pour pouvoir se concentrer pleinement là, sur les deux autres volets. Donc, on va commencer déjà l'émission avec l'actualité. Alors, dans l'actualité, écoutez, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Les tremblements de terre, les séismes continuent de se faire sentir un peu partout sur le globe. Myanmar, Birmanie, si vous voulez, on a eu 70 personnes qui ont été, au moins 70 personnes, en tout cas, c'est les chiffres là, qui dataient déjà de deux ou trois jours, de décédés qui ont trouvé la mort dans cette, Dans cette autre petite tragédie là qui s'est passée là-bas, écoutez, c'est évidemment beaucoup moins grave que ce qui s'est passé au Japon là, mais on parle d'un quand même d'un tremblement de terre de 6,8 sur l'échelle de Richter, et puis on a senti les bâtiments bouger jusqu'à la capitale de la Thaïlande, à Bangkok, qui est environ à 800 km de l'épicentre de ce tremblement de terre. Alors ça a brassé beaucoup. D'ailleurs, au Japon, on a eu un autre tremblement de terre, je crois, d'à peu près de la même magnitude, si je me rappelle bien de mémoire comme ça, tout juste hier. Alors les tremblements de terre continuent. Oui, ça, il y a des affaires assez spéciales qui se passent. J'ai vu sur un blog hier aussi des vidéos qui ont été tournées par des gens qui habitent en Floride, qui ont entendu un genre de grondement se faire sentir dans les airs pendant environ 20 minutes. Alors, un vraiment très curieux grondement, un bruit qu'on entend assez fort à part de ça, et qui a été entendu, qui a été entendu pendant 20 minutes par plusieurs personnes, et puis ça a été apparemment filmé et tout. Donc c'est très étrange, il se passe des affaires assez spéciales en ce moment. Anyway, donc on continue. Au Canada ici, on a eu bon le gouvernement canadien de Stephen Harper qui est tombé, alors par un vote de non confiance. Alors on a fait s'écrouler le gouvernement minoritaire de Stephen Harper. Et puis, le Canada va aller en élection très bientôt. Alors, dans les prochains mois, je crois que ça va être en mai. Écoutez, là, ce qui se passe, là, c'est que vous avez cette coalition des différents partis d'opposition qui se sont mis ensemble, et puis on a fait tomber le gouvernement. Donc, personnellement, j'en ai pas grand-chose à foutre réellement. Ça peut paraître assez spécial à dire comme ça sur la radio, mais écoutez, réellement. Considérant les options qu'on a, je veux dire, il n'y a aucune option valable, que ce soit conservateur, libéral, le Bloc québécois, le NPD, le Bloc vert, peu importe, là, ceux qui sont là. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas vraiment d'option pour trouver des gens qui vont vraiment, véritablement nous représenter au lieu de représenter les intérêts des grandes corporations, des multinationales, des banquiers privés. Donc, je vois pas vraiment l'intérêt de tenir des élections, mais écoutons, ça a l'air que c'est un exercice qu'on doit tenir maintenant assez régulièrement au Canada. Je crois qu'en réalité, c'est quoi, la quatrième fois en 7 ans, un truc du genre, là, si je vais par mémoire comme ça, là, mais écoutez, c'est ça, là, disons qu'ici au Canada, on aime ça, on passe aux élections comme ça à peu près aux 2 ans, donc maximum. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que ça fait? Ben, ça change absolument rien. Probablement que le gouvernement d'Harper va être réélu. Et puis, écoutons. S'il y a peut-être de quoi de positif de tirer de ça, chers auditeurs qui habitent au Canada, eh bien, peut-être que c'est une utilité. Peut-être l'utilité de ça va être une opportunité de nettoyer le gouvernement, peut-être de ces politiciens qui sont loyaux, tout simplement, des gouvernements étrangers, comme Israël. Alors, vous savez, dans le gouvernement Harper, dont Harper lui-même, vous savez, ces gens-là ont promis de façon inconditionnelle tout le support du Canada envers ces pays-là, même s'ils attaquent des flottilles de la liberté en eau internationale, ce qui est un crime de guerre, crime contre les lois internationales. On a supporté l'opération de plomb durci, donc des frappes sur des populations civiles, même avec des armes chimiques, et ainsi de suite. Donc peut-être qu'à ce moment-là, nous autres, on aurait intérêt, hein, à essayer d'éviter qu'on ait des politiciens qui placent des pays étrangers dans leur intérêt en premier, en face de ceux des Canadiens. Donc, ce serait peut-être une chose. Et puis d'ailleurs, ce gouvernement Harper-là, juste avant de partir, a fait voter. La dernière chose qu'ils ont faite, c'est faire passer une loi, hein, pour établir un monument national soulignant l'Holocauste. Alors, l'Holocauste, non pas l'Holocauste des Amérindiens, hein, celui que le gouvernement canadien puis les églises ont perpétré sur la population ici, la population des. Les Premières Nations qui étaient là avant même qu'on arrive, des millions de personnes qu'on a tout simplement nettoyées de la carte, un génocide total. Alors, c'est pas un monument à ces gens-là qu'on va adresser, non, c'est un monument pour l'Holocauste des Juifs en Allemagne. Alors, voilà encore là une preuve d'un lobby absolument trop puissant et trop fort, et puis qui finalement précède les intérêts nationaux et puis même ceux de notre propre génocide ici des Amérindiens. Pensez à ça, quand même assez particulier. Ensuite, vous avez le FBI, le centre du FBI, qui va dépenser 1 million de dollars sur des projets d'identification de gens. Alors, ça, c'est assez inquiétant aussi de voir ça, l'État policier Big Brother qui se met de plus en plus en place aux États-Unis. Réellement, là, on est très avancé dans le processus. Là, on va dépenser 1 million de dollars dans un projet qui va permettre aux agences d'application de la loi, donc des policiers puis du FBI, d'identifier des criminels et terroristes par des caractéristiques physiques plus rapidement et avec plus de précision. Et en réalité, ce qu'on va tout simplement, là, on est en train là, de mettre en place là, des systèmes d'espionnage, de surveillance totale, de fichage des gens. Donc, toute une histoire, en tout cas, allez voir ça. Ensuite, vous savez, on avait parlé de cette tache de pétrole qui est apparue la semaine passée dans le golfe du Mexique. Alors, ici, on a des nouvelles encore dans ce dossier-là qui ont fait surface. Ici, on parle d'une autre nouvelle qui rapporte plusieurs personnes qui ont vu évidemment cette tache de pétrole qui flotte au large du site du Deepwater Horizon, donc à environ là, une trentaine, 30-35 km à partir du site original là, du Deepwater Horizon, c'est qu'on a eu le désastre écologique de BP à l'automne passé. Donc, plusieurs personnes ont vu là, vraiment des nappes, là, vous voyez là, le genre de reflet de l'arc-en-ciel que ça fait, là, ces nappes de pétrole. Alors, plusieurs personnes ont eu ça au loin des côtes de la Louisiane. Et puis, ben là, vous savez, on dirait que le gouvernement et puis les médias ne se forcent même plus pour rendre les mensonges, je dirais, crédibles ou croyables, si on veut. C'est vraiment spécial de voir ça. Là, on a publié une nouvelle cette semaine dans les médias comme quoi que la source de cette tache de pétrole qui est apparue, bon, ça vient pas du Deepwater, non, non, non. Ça vient pas du fond marin qui est tellement poreux, laisse échapper du gaz et du pétrole depuis l'automne passé. Là, on a tout simplement là, placé ça rapidement, sans trop se casser la tête pour y donner des apparences même crédibles, comme quoi que ce serait une compagnie qui s'appelle The Anglo-Swiss Offshore Partners qui ont émis un communiqué de presse qui exprimait une surprise, qu'apparemment on avait une petite fuite mineure qui viendrait d'un de leurs puits dans la région qu'ils ont essayé de fermer il y a quelque temps. Donc, c'est 5 plateformes qu'ils auraient eues dans cette région qui aurait été détruite par l'ouragan Katrina en 2005. Et on dit que là, finalement, on est dans le processus de sceller de façon permanente ce puits qui était localisé dans une région peu creuse, environ à 30 000, donc soit environ 45 km là, de Grand Isle. Donc voilà, donc on vous dit finalement, ne vous en faites pas, c'est pas le Deepwater, ben non, hein, tu sais, c'est, il n'y avait pas de doute avec ça, c'est bien certain que c'est pas ça, c'était une autre affaire. Hein, donc il n'y a aucun problème avec ça, ne faites-en pas, bébé, ça a été scellé. Donc, on passe à d'autres choses, OK? On passe tellement à d'autres choses que c'est dans une autre nouvelle qu'on a appris du Telegraph en Angleterre que Shell a gagné l'approbation de percer des nouveaux puits de pétrole dans le golfe du Mexique. Alors, des puits en haute mer, en eau très profonde. Et puis, voilà, donc c'est reparti, la Royal Dutch Shell. Donc, on va recommencer à faire des trous. Alors, hein, on va continuer à percer le fond marin comme ça, puis on va. C'est comme ça, c'est comme ça. Ça, c'est les fous psychopathes qui mènent notre société. Désolé, c'est le terme. Je veux dire, là, à la lumière de ce qui se passe à Fukushima, je veux dire, est-ce qu'on va dire après que les centrales nucléaires, c'est encore sécuritaire? Eh bien, attendez-vous, là, ça va faire un petit choc pendant quelques semaines, pendant quelques mois. Après ça, hein, les gens vont oublier. Puis après ça, eh bien, là, vous allez avoir le lobby de l'industrie de l'énergie nucléaire qui va revenir au grand galop, qui va dire, regardez, il n'y a pas de problème, c'est safe, c'est tout sous contrôle. Tchernobyl, Fukushima, c'est quoi ces affaires-là? C'est rien, c'est rien. Hein? Fait que là, au BP, ça s'est passé juste l'automne passé. Le plus grand désastre pétrolier, probablement sur carrément de la planète, en tout cas de l'histoire des États-Unis, ça c'est certain. Un truc qui, on a dit qu'il était scellé, qui finalement fuit, on a vraiment percé dans une réserve à très haute pression, extrêmement profondément. On n'est pas capable de faire quoi que ce soit, on est tout simplement esclave des éléments. Et puis, maintenant que ça s'est produit il y a quelques mois, puis là, on entend moins parler, ben Zap, voilà, l'approbation est donnée à d'autres compagnies. Il faut percer, on a besoin du pétrole. Ben oui, pas de besoin de se rappeler que ça fait 100 ans que Nikola Tesla a trouvé l'énergie libre complètement gratuite et abondante et infinie dans l'univers. Mais non, ça, c'est pas grave. On va garder ces affaires-là cachées dans des coffres-forts parce que ça va menacer les cartels de l'énergie qui contrôlent la planète. Et puis, écoutez, on va continuer à percer des trous comme ça, hein, puis on va espérer que tout va aller bien. Fait que c'est comme ça que ça marche. Et puis, ça va être la même affaire que le nucléaire, c'est la même affaire. Je veux dire, on dirait qu'on n'apprend absolument rien et que vraiment, la race humaine court le plus vite possible à sa fin. Donc, c'est assez particulier. Normalement, j'ai tendance à être un peu plus positif que ça, mais des fois, il y a de quoi se poser des questions, là, réellement, là. Parlant de radioactivité, ça aussi c'est une nouvelle assez particulière. On apprend que c'est une nouvelle ici qui a été publiée qui rappelle que souvent le cannabis est souvent comparé au tabac avec les dommages qui sont causés par le fait de fumer du tabac, qui sont souvent donnés comme raison pour faire la prohibition de l'utilisation du cannabis. Et puis, ce qu'on apprend, dans cet article, c'est que justement, souvent, on pense que le truc qui est le plus endommageant, si vous voulez, le plus dangereux pour la santé dans le tabac, c'est le goudron. Et puis, en réalité, c'est qu'on apprend que, souvent, pour faire grandir ces plantes à tabac-là, eh bien, c'est qu'on utilise des fertilisants radioactifs. Hein, oui, vous avez bien entendu, des fertilisants radioactifs. Alors, de façon assez surprenante, évidemment, on apprend, il semble que la radiation soit évidemment le facteur le plus important et le plus dangereux derrière le fait de fumer et puis évidemment, aux dommages qui sont causés aux poumons. Alors, allez voir ça, une petite nouvelle assez particulière. Les scientifiques australiens mettent à jour l'origine humaine du virus H1N1. Alors, une autre affaire aussi, on se rappelle de ça, cette histoire-là. Ça a été publié par l'agence de Bloomberg, 21 mars 2011. Et puis, là, ici, on apprend que, c'était l'article, je vous rappelais de ça, là, le virologue Adrian Gibbs, qui avait déclaré au mois de mai dernier que le virus de la grippe porcine s'était échappé de laboratoire, vient de publier ses conclusions aujourd'hui, relançant ainsi le débat autour des origines du virus pandémique. Alors, on dit que la nouvelle souche H1N1, qui a été découverte au Mexique et aux États-Unis en avril 2009, est le résultat de regroupement de trois virus provenant de trois continents différents, dont les gènes auraient été recombinés dans un laboratoire ou dans une usine de fabrication de vaccins, indique Adrian Gibbs et ses collègues scientifiques australiens qui viennent de publier un travail de recherche dans le Virology Journal. Alors, les auteurs de cette étude ont analysé la composition génétique du virus et confirment que son origine s'expliquerait davantage par une manipulation humaine que par une coïncidence de la nature. Leur étude est actuellement discutée par d'autres scientifiques. Un débat a commencé il y a 6 mois alors que Adrian Gibbs avait demandé à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, d'examiner ses hypothèses en vain puisque l'Institut international basé à Genève avait refusé d'entrer en matière. Et puis, se bornant à confirmer la version de l'origine naturelle du virus, niant ainsi toute origine humaine de la mutation. Alors, lui explique évidemment que il est important que la source de ce nouveau virus soit claire si l'on veut à l'avenir éviter de futures catastrophes plutôt que de s'entêter à en minimiser les conséquences, comme on le croit aujourd'hui après qu'il ait émergé, indiquant M. Gibbs et ses collègues John Armstrong et Gene Downey dans leur rapport. Donc, écoutez, vous avez ces professeurs-là qui sont titulaires à la faculté émérite de l'Université nationale australienne de Canberra et vous avez Jane Downey est affiliée au Centre des For Infectious Diseases and Microbiology Laboratory Services de l'hôpital de Westmead à Sydney. Et puis, disent autres que l'explication la plus simple, bien que les oiseaux migrateurs ont manifestement agi comme un intermédiaire crucial pour la convergence des différents virus, la participation de l'homme dans leur regroupement est de loin l'explication la plus simple, a déclaré aujourd'hui Adrian Gibbs dans un entretien téléphonique. Et puis, M. Gibbs a été à l'origine de plus de 250 publications scientifiques sur les virus au cours de sa carrière et ses 39 dernières années pour le compte de l'Université australienne, selon les renseignements du ministère de l'Éducation. Et puis, on disait que, connaissant le sérieux d'Adrian Gibbs, on sait qu'il aura étudié toutes les hypothèses possibles avant d'en arriver à cette conclusion, indique le professeur Lance Jennings, virologue clinicien des laboratoires Canberra Santé à Christchurch de Nouvelle-Zélande. D'autres scientifiques ne tarderont pas à confirmer ou à réfuter sa thèse. Donc, c'est important de revenir sur ces dossiers-là. C'est toute l'histoire sur BP, hein, donc les trucs de H1N1, réchauffement climatique. Vous savez, c'est ça qu'on combat ici. C'est les mensonges, les conneries comme ça pour réparer les populations, puis les autres conneries qu'on crée. Et puis après ça, on essaie de rassurer les populations, hein, les affaires comme Fukushima. Donc, vous avez la Cour suprême aux États-Unis, elle, qui a donné qui a carrément un bouclier juridique. Vraiment, on a complètement donné l'immunité juridique à Big Pharma, donc aux grosses compagnies pharmaceutiques, dans une décision de 6 contre 2. Donc, la majorité a voté pour rejeter des évidences substantielles que la loi, en ce moment, avait pour but, donc, de protéger les droits des Américains en leur permettant évidemment de poursuivre en justice les grosses corporations pharmaceutiques pour des dommages causés ou même pour la mort, et qui évidemment poussaient les compagnies à faire des produits pharmaceutiques plus sécuritaires. Ben là maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on a tout simplement levé cette loi-là, cette protection des Américains, puis on a donné une immunité juridique complète à Big Pharma. Incroyable. Ce qui va tout simplement laisser maintenant les fabricants de vaccins, de produits pharmaceutiques complètement libres de créer n'importe quelle affaire qu'ils veulent, puis que même si ça soit dangereux pour la santé, eux autres n'ont pas besoin de s'inquiéter. Donc, ils n'ont absolument aucun intérêt, ils ne sont pas motivés absolument par rien pour offrir des produits plus sécuritaires, en tout cas sans danger pour la santé, ça c'est certain. Alors, c'est incroyable. Donc, imaginez, faites vacciner vos enfants, vos enfants développent des maladies dégénératives, neurologiques ou peu importe, ou même en en meurent, ben, vous pouvez même pas poursuivre les compagnies pharmaceutiques aux États-Unis maintenant. Donc, c'est absolument spécial. Voilà pour la situation là-bas. La CDC aux États-Unis, rapportée par le LA Times, rapporte que vous en avez un super bug, alors un genre si vous voulez, une bactérie ou un virus absolument incroyablement résistant qui tue 40% des personnes avec lesquelles il entre en contact. Et on a 35 États aux États-Unis qui sont maintenant touchés par ce genre de virus qui maintenant se répand dans les établissements médicaux en Californie. Alors, on se demande encore là savoir si cette super bactérie qui tue 40% des personnes avec lesquelles ils rentrent en contact, ne serait pas justement une autre création en laboratoire. Il faudrait peut-être poser des questions au gouvernement, n'est-ce pas? En Israël, cette fois-là, vous avez le Knesset qui a passé une loi qui fait la prohibition de la commémoration de la Nakba. C'est quoi la Nakba? C'est tout simplement, si vous voulez, le jour en 1948. Alors que vous avez l'établissement d'Israël qui arrive et puis qui a été finalement qui a causé des millions de réfugiés palestiniens qu'on a tassés de là. Et puis ben là, on a rendu tout simplement, là, vous avez vraiment cet État raciste israélien, vraiment, il faut le dire. Les gens qui sont en contrôle là-bas, ça c'est certain. En tout cas, je parle pas. C'est sûr, c'est sûrement pas toute la population, mais il y a une bonne partie de la population qui sont animés vraiment d'un racisme assez particulier, qui ont passé cette loi-là maintenant, qui va faire en sorte que si vous avez des autorités locales ou vous avez des groupes ou peu importe là, des institutions qui vont organiser des événements ou qui vont financer des événements qui vont commémorer la journée du Nakba palestinienne, vont recevoir des amendes et vont être punis. Il faut commémorer l'Holocauste des Juifs. Il faut ériger des monuments nationaux ici au Canada. Et puis, on ne peut pas discuter de ça. Je veux dire, il faut absolument commémorer ces trucs-là. Il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé, hein, leur souffrance, et puis cette histoire qui est tout derrière. Et puis maintenant, ben, vous avez les Israéliens qui ont rendu illégal pour les Palestiniens de commémorer leur propre désastre, qui finalement qui a été d'avoir été banni de leur propre maison, de leur village, et puis d'avoir souffert aux mains d'Israël. Si vous avez Israël qui est prête à utiliser les cours pour réécrire l'histoire de 1948, pour faire silence sur cette période-là. On ne veut pas en entendre parler, on veut faire disparaître ces événements-là, même par la cour en utilisant des lois. Eh bien, je crois qu'il est clairement évident qu'on doit présumer qu'ils ont utilisé des cours aussi pour réécrire l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Pensez à ça 2 secondes. Alors, allez voir ça. Quelques petites nouvelles à propos de ça. Ensuite, parlant justement de réécrire l'histoire, je vous ai collé un lien ici assez particulier qui risque d'être intéressant pour plusieurs. Et puis, c'est pas parce que ici on supporte le parti nazi de Hitler ou de Mussolini ou du Japon impérial de la période de la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous devez comprendre que les partis qui perdent dans ces guerres-là sont évidemment démonisés. Et puis, les mêmes types de crimes qui ont été commis par les pouvoirs alliés ont été excusés et puis blâmés sur les ennemis ou bien tout simplement omis de l'histoire, des livres d'histoire. Vous savez, il est illégal dans plusieurs pays, dont en Europe, de questionner l'Holocauste. Alors, vous avez dans ce lien-là une vidéo qui va vous aider à comprendre pourquoi a été rendu illégal de questionner l'Holocauste. Alors, on a utilisé des lois pour empêcher une partie de l'histoire d'être proprement enquêtée. Même si c'est de façon complètement légitime et crédible par des meilleurs historiens indépendants, hein, sur la planète. Et puis, il serait peut-être bon de mentionner qu'il y a 10 000 pages de mémoires combinées des leaders occidentaux de la Deuxième Guerre mondiale. On parle d'Eisenhower, Charles de Gaulle et puis Churchill. Et puis dans ces 10 000 pages de mémoires combinées de ces trois hommes-là, il n'y a aucune mention d'un holocauste ou de chambre de gaz. Ces gens-là savaient exactement ce qui se passait à Nuremberg. Ils avaient vu des photos des camps de concentration et puis n'avaient même visité personnellement certains de ces sites. Ils avaient accès à l'information des plus confidentielles qui étaient disponibles. Et puis, dans toutes ces 10 000 pages de mémoire, on ne parle pas d'extermination, de camps d'extermination, on ne parle pas de 6 millions, on ne parle pas de gaz à de chambres à gaz, ni d'Auschwitz, seulement que des gens qui ont été battus, des gens qui ont été fortement exploités comme des esclaves, qui ont été, on parle de famine, on parle de toutes sortes de brutalités, mais pas du reste. C'est assez, c'est pas du racisme ou quoi que ce soit de parler de ça, c'est des faits. Et puis, vous avez des historiens qui ont rapporté ces faits-là, et des scientifiques qui n'ont absolument rien à gagner en rapportant ce genre de faits-là. Et puis, en fait, c'est complètement à leur détriment de dire la vérité. Parce qu'en Europe, ils pourraient être enfermés, faire de la prison. Donc, pensez à ça. Mais c'est maintenant rendu illégal de commémorer la Nakba palestinienne. Donc, voyez un peu ici les doubles standards. C'est en train de couvrir de quoi. Il y a vraiment de quelque chose là. Il y a anguille sous roche, pour dire le moins. Vous savez, Merkel en Allemagne, elle, qui est en train de s'attirer les foudres aussi d'Israël, elle a accusé Netanyahou d'avoir complètement fait échec dans le dossier de la Palestine et n'avait même pas fait un seul pas pour faire avancer la paix. La journée où elle déclare ça, son hélicoptère personnel qui venait la chercher est tombé du ciel. C'est pas des farces, chers auditeurs, les rotors se sont arrêtés, puis le truc est descendu, badang, s'est écrasé au sol. Assez particulier, n'est-ce pas? Le 18 février dernier, vous avez l'Allemagne qui a fait de quoi quasiment d'impensable. Ils ont voté en faveur d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant les bâtiments, l'occupation, hein, vous avez ces fameuses constructions qu'on est en train de diriger en territoire occupé palestinien. Et puis, on a demandé une halte immédiate de toutes ces activités de construction en territoire occupé. La résolution n'a pas passé parce que les États-Unis ont été le seul pays, hein, des 15 membres du Conseil de sécurité à voter contre. Ils ont mis leur droit de veto, ils ont apposé leur droit de veto. Malgré tout, cela n'a pas arrêté le vote allemand d'ouvrir une sérieuse division entre l'Allemagne et Israël. Donc voilà, allez voir ça, rapporté par différents médias, dont The Times of India, l'histoire de cet hélicoptère qui est descendu hein, donc du ciel. C'est incroyable, il volait environ 1600 mètres d'altitude et puis les deux rotors du Super Puma 332 ont brisé, tout simplement, béding, est tombé comme une roche du ciel. Et puis les pilotes ont réussi à repartir les moteurs et puis à stabiliser la machine à seulement quelques centaines de mètres au-dessus du sol. Assez particulier. Une autre nouvelle ici, vous avez Richard Falk, alors un chercheur pour la Commission des droits humains de l'ONU, qui lui est en train de préparer une résolution condamnant justement les constructions dans les nouvelles colonies en territoire occupé de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie, et puis a déclaré aussi qu'Israël était engagé dans un nettoyage ethnique. Alors, vous voyez, hein, ça commence à être assez sérieux. Et vous avez Netanyahou, lui, qui a déclaré qu'Israël était prêt à agir avec une pleine force pour arrêter les missiles qui tombent apparemment sur Israël, qui dit, lui, qu'ils sont lancés de la bande de Gaza. Et puis, on dit que Netanyahou a promis une réaction solide avec des attaques, des bombardements. Et puis, en réalité, ce que ça veut dire, c'est qu'alors que la tension du monde est tournée ailleurs avec les événements dans les réacteurs japonais de Fukushima et puis la guerre en Libye, le gouvernement israélien et son armée sont en train de se préparer à lancer plomb durci numéro 2 à Gaza. On est en train de se préparer. Vous avez des chars d'assaut qui ont déjà fait des incursions dans la bande de Gaza. On a même tiré sur des maisons. Des personnes ont été blessées. Israël a lancé aussi des attaques aériennes. Vous avez des enfants ici dans les nouvelles. C'est 7 enfants qui ont été blessés par ces attaques. Vous avez une autre nouvelle ici qui parle de 8 personnes qui ont été tuées dans ce dernier mois, alors dont des jeunes de 12, 16 et 17 ans. Alors, voyez qu'on est en train de se préparer à faire une deuxième offensive sur la bande de Gaza pendant que l'attention internationale est tournée ailleurs. Vous avez Dan Rather aussi, ce fameux journaliste important aux États-Unis, qui a été humilié par la sécurité israélienne alors qu'il se rendait là-bas pour faire des entrevues avec un ministre. Et puis, lui, puis son équipe a été demandé de baisser leurs pantalons, imaginez. Il dit, M. Rather, qui n'a jamais été aussi humilié de toute sa vie. Il dit, jamais, jamais, il dit, j'ai été, ou même mon équipe a été forcée à se déshabiller avant une interview. Il dit, c'est même pas arrivé, même alors que j'ai interviewé Saddam Hussein. Imaginez. Donc, allez voir ça, et puis vous devez aussi garder en tête tout le temps que c'est maintenant, c'est les guerres d'Obama. Hein, on a beau dire que c'est Bush qui les a partis, puis tout. Maintenant, vous devez comprendre que Obama, l'administration Obama au complet, est plus profondément engagée dans la guerre maintenant que Bush ne l'a jamais été. Okay? Donc, évidemment que Bush est responsable d'avoir parti les agressions militaires contre l'Afghanistan et puis l'Irak, mais vous avez maintenant l'administration Obama qui a augmenté la quantité de troupes américaines en Afghanistan, qui est devenue maintenant la plus longue guerre américaine de toute l'histoire sous Obama. Alors Obama qui avait promis de l'arrêter, ça s'est jamais produit. Lui, écoutez, on est rendu à 100 000 soldats américains sur le terrain, plus 50 000 autres soldats de forces étrangères qui servent sous l'OTAN. Et maintenant, ben, vous avez aussi Obama, lui, qui, même la première journée de sa présidence, a ordonné des attaques par drone sur les zones du Pakistan. Et vous avez 2 000 personnes qui ont été tuées au Pakistan les 26 derniers mois, incluant 80 civils qui ont été tués dans 12 attaques par missile. Ensuite, ben, vous avez en Libye, alors cette guerre maintenant qui est lancée par le prix Nobel de la paix, disons-le, le prix Nobel de la paix, Obama, ben ouais. Alors, n'est-ce pas absolument incroyable? Donc, le gouvernement Obama, vous savez, a lancé aussi des attaques au Yémen avec des forces spéciales, même affaire avec des hélicoptères en Somalie. Vous avez aussi sept bases militaires qui ont été acquises en Colombie. Et ensuite, au Venezuela, en Équateur, ben, on est en conflit avec eux autres. Donc, c'est pour ça les nouvelles bases en Colombie. Donc, on dit vouloir assister dans des guerres de contre-insurgence. Qui durent depuis des décennies et qui sont liés avec le Venezuela et l'Équateur. Alors évidemment qu'on sort toutes sortes de prétextes comme ça. En réalité, on veut contrôler le trafic de drogue, hein, disons-le. Et puis évidemment que c'est bon d'avoir une succursale pour vendre des armes aussi en Amérique centrale. Alors, vous voyez que dans cette perspective-là, avec Obama qui a maintenant finalement laissé Guantanamo ouvert et puis même approuvé la détention indéfinie. Même si une personne a été jugée non coupable aux États-Unis, ça fait partie des États-Unis. Les autres, ils disent que ça ne fait pas partie des États-Unis parce que c'est à Guantanamo, côté de Cuba. C'est complètement malade mental. Je veux dire, il n'y a aucun régime, même pas des Staline, même pas Hitler. Il n'y a personne qui est allé aussi loin que ça, c'est-à-dire de rendre légale une détention indéfinie, même si une personne a été jugée non coupable. Alors, bravo Obama, c'est vraiment fantastique. Et puis voilà qui devrait mettre les choses en perspective. Donc voilà, on arrête là et puis on fait une petite pause musicale et on se retrouve après. On va parler un peu là, de ce qui se passe en Afrique du Nord, Moyen-Orient, particulièrement avec la Libye. Donc on va traiter de ce dossier-là tout de suite en revenant de cette petite pause. Vous êtes de retour, venez d'écouter Mere Yara d'Ildara. Alors, ça fait un petit peu dans le beat, on dirait Moyen-Orient, un petit peu nord-africain. Alors, voilà quoi, on est dans le beat maintenant, donc on va y aller. Donc, c'est pas vraiment un sujet et puis une émission très facile, disons, cette semaine, là. Et puis, disons que la Libye et puis le Japon, surtout, là, sont particulièrement troublants. Et sont liés en certaines façons, particulièrement au niveau nucléaire. Pourquoi je dis ça? Parce que on vient de partir une nouvelle guerre d'agression. Disons les choses telles qu'elles sont là. Quand même bien qu'on se donne des permissions au niveau de l'ONU, on se donne des mandats ou quoi que ce soit là. Je veux dire, la Libye n'a pas attaqué aucun pays là. Et pas une menace pour personne dans le monde. OK? Puis pour les personnes, vous savez, même je vais même faire mon mea culpa ici, là, je vais même pas me gêner hein, pour dire la vérité. Même au début, je vous avais rapporté il y a quelques semaines que Kadhafi avait bombardé, avait ouvert le feu dessus sa population. Et il s'avère que ces informations-là sont des plus douteuses. Des plus douteuses. Vous avez même les Russes qui avaient surveillé l'espace aérien à ce moment-là, puis n'avaient détecté aucune frappe, aucun bombardement, quoi que ce soit. Donc, on a probablement assisté à une autre campagne de propagande assez convaincante, disons. On a utilisé les fameux réseaux sociaux. Vous savez, j'en ai parlé dans les émissions précédentes aussi. On a des programmes maintenant qui sont développés qui permettent à une personne de contrôler 10 identités qui ont la toute affaire réelle sur Internet avec des comptes personnels et tout, des comptes Twitter. Et puis là, on stimule des révolutions comme ça. Évidemment qu'il y a du mécontentement dans ces régions-là. On utilise ce mécontentement-là, on le stimule, et puis on fait en sorte qu'on fait enrager les gens, puis on les fait sortir dans les rues, à peu près ça, ben, on appelle ça des soulèvements sociaux. À partir de ce mécontentement-là qui est vrai, c'est-à-dire que oui, il y a énormément de gens dans ces pays-là, les pays arabes, je crois, en ont soupé de leur tyrannie, de leur gouvernement autoritaire, illégitime, non représentatif. Ça, je crois que c'est une prise de conscience internationale, réellement mondiale. Et vraiment, les gens sont de plus en plus tannés et puis on veut se libérer de ça. Je crois qu'il y a une prise de conscience qui se fait. Le problème, par contre, c'est qu'on essaie d'utiliser souvent ces mouvements-là pour servir les intérêts de l'Empire, les intérêts des maîtres du monde, si vous voulez. Les fameux banquiers internationaux, vendeurs d'armes, les multinationales, les compagnies pétrolières. Des intérêts aussi particuliers comme, je dirais, les intérêts sionistes, les intérêts des néocons. Okay? Là, ce qui se passe, c'est que on avait évidemment, comme je vous disais, une partie de ces mouvements sociaux qui ont eu lieu, autant en Algérie, en Tunisie. En fait, ça avait commencé en Islande, j'en avais parlé, en Grèce. Et puis, ça s'est propagé dans ces pays-là. Parce qu'évidemment, qu'il y a bien des pays aussi qui se retrouvent dans une situation où les gens ont bien de la misère à manger. Puis pendant ce temps-là, lui, le petit con en haut, au sommet, ben lui, tout va bien, il est riche, il accapare toutes les richesses du pays. Donc à un moment donné, les gens en ont marre de ça. Prix de la nourriture qui augmente, ça ne l'a pas aidé. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu vraiment des soulèvements sociaux, mais à un moment donné, il y a des gens comme les États-Unis qui ont des intérêts dans cette région-là, puis Israël aussi. On a réussi à établir un certain. Si vous voulez, une certaine stabilité dans le pouvoir en place, en justement, en supportant, en mettant en place des dictateurs, des hommes à la main de fer, dans plusieurs de ces pays-là, dont évidemment l'Algérie, la Tunisie, ça c'est certain, et d'autres pays de la région aussi. Et puis ce qui arrive, c'est que on essaye à ce moment-là de faire, si vous voulez, dévier, contourner un peu ces mouvements-là, pour les faire servir les intérêts de ceux qui contrôlent la région. Donc, j'ai nommé réellement les États-Unis puis Israël. Donc, à ce moment-là, on ne veut pas que les populations soient hors de contrôle et puis que ces soulèvements-là, ces révolutions-là, soient hors de contrôle. Donc, on va essayer des court-circuiter, on va essayer des infiltrer, des court-circuiter d'une façon ou d'une autre. Ça a plus ou moins marché dans certains pays. En Tunisie, en Algérie, on a quand même eu vraiment pas mal de braves camarades. Assez pour ébranler pas mal la structure de pouvoir. Et puis Israël a été un peu, s'est brûlé un peu les doigts, là. Quoique vous avez Omar Souleymane qui, bon, est un homme qui est très, très proche, là, des pouvoirs sionistes de l'État d'Israël. Mais par contre, vous avez d'autres pays, comme la Libye, qui, lui, a à sa tête depuis, je crois que c'est 42 ans, une affaire comme ça, monsieur Kadhafi. Et puis, cet homme-là n'est peut-être pas aimé de certaines personnes, mais il n'est certainement pas aimé aussi de la Ligue arabe. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que Kadhafi, lui, il s'est retourné de bord un peu. Il a un peu comme fait un pied de nez à la Ligue arabe parce que il est un peu écœuré de voir si justement ces cheiks, ces gens hyper riches à la tête de ces pays-là, contrôler leur pays, voler les ressources naturelles, surtout les profits de ces recettes de vente comme de pétrole. Hein? Donc, vous savez, évidemment, c'est la plupart de ces pays-là sont riches en pétrole. Et puis, vous avez le roi qui est à la tête, ou le cheikh, ou peu importe, là, le dictateur, ou comment vous appelez ça. Et puis, ce qui arrive, c'est que ces gens-là sont là pour leur propre intérêt, ne sont pas vraiment là pour aider la population ou quoi que ce soit. Et ne sont pas là non plus pour défendre leurs frères palestiniens. Hein? Ces gens-là, la Ligue arabe, ça fait bien longtemps qu'on aurait pu régler le problème, forcer Israël à arriver à la table une table de négociation. Et puis, d'en arriver à une entente, là, je veux dire, c'est sûr que ça se fait, mais finalement, la Ligue arabe, elle se fout pas mal de ça. Fait que Kadhafi, lui, à un moment donné, s'est tanné de ça. Fait que, il s'est viré de bord pour différentes raisons comme ça. Et puis, il s'est tourné vers le continent africain. Monsieur Kadhafi a fait certaines choses qui n'ont pas plu aux pouvoirs occidentaux et sionistes. La première des choses, c'est qu'il s'est mis à travailler avec plusieurs nations africaines à développer leur économie, à y construire différents réseaux, soit de transport, à construire des bâtiments, à construire des aqueducs. D'ailleurs, la Libye a développé le plus grand réseau d'approvisionnement d'eau douce qu'on a découvert dans le désert du Sahara. J'en ai parlé aussi dans les émissions précédentes, et puis il a construit un réseau d'aqueducs assez impressionnant, merci, qui dessert toute la région de la Libye, qui amène de la bonne eau fraîche. Imaginez qui a besoin d'eau fraîche en plus en passant, un petit cue comme ça, hein? Qui a besoin d'eau fraîche dans la région puis qui est en train de mener des guerres pour s'en accaparer? Israël. Donc, ce gars-là, Kadhafi, c'est peut-être pas tout le temps. Ça a l'air d'être un type un peu bizarre, à mon avis, là. Je peux pas dire que c'est un sanglant terroriste, là, ou un sanglant dictateur. Je crois pas que c'est vraiment le cas. Par contre, je crois qu'il est assez bizarre, là. C'est un peu un type particulier. Sauf que il est indéniable, si vous allez voir sur le terrain, que Kadhafi a énormément développé les infrastructures de son pays. A développé des écoles, développé des hôpitaux, développé des systèmes d'aqueduc, d'électricité, et a fait de même dans plusieurs nations africaines. Ce qui, évidemment, ne plaît pas à la Ligue arabe, ne plaît pas aussi au pouvoir en place sioniste à Israël, et puis, évidemment, à la clique, là, qui dirige les États-Unis. Parle, là, évidemment, des banquiers internationaux, et puis, des majeures compagnies pétrolières et multinationales. Monsieur Kadhafi a parlé ces derniers temps de nationaliser son pétrole comme Chavez le fait. D'où un peu la proximité de ces deux pays-là, puis de Chavez qui défend pas mal la Libye, puis condamne les attaques qui se passent. Les attaques de l'OTAN maintenant, parce que c'est l'OTAN qui reprend les activités maintenant sous un général canadien, de cette fameuse no-fly zone. Alors, on a simplement forcé un état de non-vol, si vous voulez. Donc, on a interdit tous les vols au-dessus du territoire de la Libye. Et puis là, c'est l'OTAN qui va récupérer ça. On se demande bien ce que l'OTAN a à voir là-dedans. La Libye n'a jamais attaqué aucune des nations qui sont sous l'OTAN. Et il n'y a aucune raison à ce moment-là pour eux de gérer ça. Donc, c'est évidemment c'est assez particulier. Là, vous savez, ce Kadhafi-là qui parle de nationaliser le pétrole. Hein? Bon, ça fait pas l'affaire des compagnies pétrolières, ça c'est certain. Compagnies pétrolières qui sont majoritairement américaines et puis d'autres évidemment anglaises et françaises. Premier faux pas qui va coûter cher à Kadhafi. Deuxième faux pas, Kadhafi a proposé de mettre en place. Si je me rappelle bien, c'est le dinar, si je me rappelle bien. Donc, un étalon dinar or et argent. Et puis, de laisser tomber la monnaie américaine dans leurs échanges. Et puis, d'avoir une vraie monnaie qui vaut vraiment de quoi, au lieu d'avoir des billets de papier qui valent absolument rien, basés sur rien, qui sont en fait une note de dette. Deuxième faux pas. Vous savez, ça a été une des raisons principales pourquoi qu'on a voulu enlever Saddam Hussein du pouvoir. C'est parce qu'en l'an 2000, Saddam Hussein avait tout simplement arrêté de vendre son pétrole en dollars américains, le vendait en dollars, en euros. En euros. Et puis, on riait de lui au début, et puis finalement, il s'est passé qu'il faisait plus d'argent vendant son pétrole en euros qu'en dollars américains. Ça n'a pas très plu. Hein? Parce que là, évidemment, ça donnait l'idée à d'autres nations d'en faire pareil. Alors, deux gros faux pas qui font en sorte qu'évidemment, on s'attire les foudres de la Libye, les foudres des pouvoirs sionistes et néocons américains, et qu'on veuille attaquer le pays. Alors, ce n'est pas qu'une zone d'exclusion aérienne, ce fameux no-fly zone. C'est un feu vert à une nouvelle guerre humanitaire. Une guerre humanitaire, je vous le dis tout de suite d'entrée de jeu, une guerre humanitaire. Un oxymore incroyable, une guerre humanitaire. C'est comme si vous disiez je sais pas moi, un bon tueur. Un tueur généreux, je sais pas, tu sais, c'est ça des oxymores, des affaires qui vont pas ensemble. C'est deux termes qui sont opposés en signification, mais qu'on juxtapose pour essayer de faire déteindre l'un sur l'autre. Alors, une guerre, ça sonne pas bien, humanitaire, ça c'est bon. Quand on dit une guerre humanitaire, on espère que les bons aspects d'humanitaire déteignent sur la guerre, puis qu'on pense que ce soit des bonnes guerres. Il n'y a pas de bonne guerre. Il n'y a pas de bonne guerre. Une guerre, ça détruit tout le temps, ça tue tout le temps. Même si on tue des soldats libyens n'ont pas attaqué aucune nation étrangère. On n'a aucun droit d'intervenir dans un pays comme ça. Et puis, ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, c'est qu'il n'y a aucune preuve réelle qui a été amenée comme quoi que Kadhafi aurait vraiment ouvert le feu sur sa population, puis même bombardé sa propre population. Vous avez bien entendu, tout ce qu'on nous rapporte, c'est ce que les médias ont dit, et c'est ce que les rebelles qui sont financés bien souvent par les pouvoirs occidentaux, et on sait qu'Israël a envoyé, sourcé par Press TV, des mercenaires privés à l'intérieur de la Libye pour déstabiliser le pays. Qu'est-ce qui vous dit que ce ne sont pas ces fameux rebelles-là qui ne représentent aucunement la population, ces fameux rebelles que Sarkozy disait vouloir appuyer, qui a même reconnu comme étant le gouvernement, en délégitimisant celui de Kadhafi? Imaginez, c'est incroyable. C'est probablement ces rebelles-là qui ont ouvert le feu sur la propre population, créé des attentats, puis après ça, les blâmer sur Kadhafi. Je suis pas en train de vous dire que Kadhafi a les mains blanches là-dedans. Je suis en train de vous dire que Kadhafi a probablement commis bien moins de trucs violents que ce qu'on a été exposé à, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous rapporte. On utilise la même tactique en ce moment qu'on nous a servi pour vendre la guerre en 2003 contre l'Irak. Le fou qui tire sur sa propre population. Des gens vont vous donner encore l'exemple de Saddam Hussein qui a gazé les Kurdes. Selon les papiers du Pentagone, recherche, CIA, allez faire vos recherches. C'est sur Internet, c'est documenté. Vous avez des gens des plus hautes sphères qui avaient le nez dans ces papiers-là. Il n'y a aucune preuve que Saddam Hussein a gazé son propre peuple. Oui, il a utilisé des gaz à poison pour attaquer les troupes iraniennes. Oui, sans aucun doute, c'est documenté. Mais ce qui se trouve, c'est que les gaz qui ont empoisonné les Kurdes au nord de l'Irak étaient en fait de nature iranienne. Il n'y a aucune preuve et il n'y a aucune agence de renseignement dans le monde qui pensait à ce moment-là que Saddam Hussein avait des gaz, je crois que c'était des gaz moutarde ou de trucs comme ça. Anyway, ce qui se trouvait dans ces rapports-là, c'est que Saddam Hussein, les troupes irakiennes n'avaient pas accès à ce gaz-là, n'avaient pas ce gaz-là. Ces armes chimiques. Alors, c'était les troupes probablement iraniennes qui avaient causé ces morts dans les villages kurdes qu'on accuse Saddam Hussein, dont on accuse Saddam Hussein. Alors, c'est faux. Alors, beaucoup de propagande. Même type. On dit l'homme qui est fou, Kadhafi, c'est lui qui tire sur sa population. Les Russes ont dit que merde, il n'a jamais tiré une bombe. Écoute, on le surveille avec des satellites et tout, là, il n'y a pas une bombe le moment qu'on l'accusait d'attaquer sa propre population. Alors, on demande au Conseil de sécurité de l'ONU de passer une résolution. Paf, on la passe. Zone d'exclusion aérienne qui est votée. On commence le bombardement de la Libye avec, attention, des missiles Patriot, Tomahawk, qui ont des têtes à uranium appauvri. Vous avez bien entendu. Obama, le prix Nobel de la paix, des guerres justes et humanitaires, avec ses petits copains, Canada, la France, l'Angleterre, la petite gang d'amis, hein, ont lancé une guerre humanitaire pour aider les pauvres petits Libyens avec des bombes à uranium appauvri. C'est fantastique. Dans justement le contexte de l'accident nucléaire catastrophique au Japon, où on sait que les radiations, les matières radioactives sont vraiment mauvaises. J'en parle ici sur l'émission depuis des années. J'en parle encore même ces derniers temps. Les soldats canadiens qui reviennent à la maison sont contaminés. Ils font des enfants avec leur femme en revenant. Les enfants sont déformés. On lance des bombes pour aider le peuple libyen, des bombes qui sont radioactives, qui vont contaminer le pays avec l'uranium appauvri qui est radioactif pour une demi-vie de 4,5 milliards d'années, soit l'âge de la Terre. Alors, peu importe qu'on soit d'accord ou pas, vous et moi, ou ben non, les gens qu'on rencontre des fois dans la rue, ils disent, ben non, c'est correct, hey, c'est bon, il faut supporter la guerre contre la Libye, hein. Ouais, tu sais, qu'est-ce que c'est une bombe, tu sais. Je dis, écoute, ça, tu sais, Kadhafi, lui, il tue sa propre population, donc au moins on les libère et tout. Ben oui, déjà, comment qu'on peut justifier de tuer des civils, des gens innocents, pour les libérer? Il faut faire des pirouettes intellectuelles et mentales assez compliquées pour essayer de justifier une affaire pareille. Mais ils réussissent pareil. J'ai des petits comiques là, comme c'est celle du Québec, là. Un nono qui est passé, là. Il dit, ouais, mais écoute, c'est bien mieux de mourir peut-être tu sais, d'une bombe que de vivre sous Kadhafi. Qu'est-ce que t'en sais, toi? T'aimerais-tu ça savoir une bombe par la tête d'un autre pays étranger? Laisse-moi, tu sais, laisse les Libyens s'organiser avec Kadhafi. Ils vont s'en occuper de Kadhafi, c'est quelque chose. Laisse-les gérer leur affaire. Ils disent, ouais, mais ils ont demandé de l'aide. Ils n'ont pas demandé de l'aide. C'est votre petite gang de rebelles qui sont payés puis envoyés par d'autres nations étrangères qui prétendument demandent de l'aide étrangère. C'est ça la réalité. Vous avez des articles là-dessus qui parlent de ça, dont un sur Global Research. Allez voir ça. Fait que là, bang, on arrive, on dit, oui, on va vous aider, on va lancer des bombes à uranium appauvri pour détruire différents poste de radar anti-aérien, hein? Donc on a des systèmes de défense anti-aérien, clair qu'on va enlever ça, et puis là, après ça, on apprend des nouvelles, oups, ça va, mais si ben, la bombe est tombée à une mauvaise place, on a tué des civils, oups, une couple d'enfants par-ci, oups, une couple de femmes par là, oups, des petits vieillards, désolé, des dommages collatéraux, hey, on est désolé. Non seulement on lance des bombes, on tue des civils qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont jamais demandé de l'aide internationale. Le peuple libyen, en général, ne veut pas de l'aide internationale. Mettez-vous bien ça dans la tête. Ils sont pas contents de vous voir là. Mais non seulement ça, on largue des déchets nucléaires. Des déchets nucléaires sur leur territoire qui vont devenir des aérosols dans l'air et puis polluer le pays dans ces zones-là pour des milliers, millions et milliards d'années. Bravo, méchante belle aide. Essayez de me faire une petite entourloupette encore pour me justifier ça. Donc, on se cache tout le temps sous cette feuille de vigne humanitaire, mais il ne s'agit pas que d'une action d'interdiction, mais d'une véritable guerre, une guerre déclarée avec des armes de destruction massive. Alors là, ces gens-là, dans les pouvoirs, Sarkozy, vous avez le Canada, Harper, vous avez Obama, vous avez toute cette petite gang, cette petite clique de sans-dessin-là qui s'en vont là-bas, qui vous disent, écoutez, on mène une guerre humanitaire, on va aider ces gens-là. Donc, là, on lance des bombes, on tue des gens là-bas, on tue même de leurs soldats qui n'ont rien fait à nos pays, ils n'ont jamais attaqué le pays. Aucun, on n'a pas attaqué la France, on n'a pas attaqué les États-Unis, on n'a pas attaqué le Canada, là. OK? Donc, quand Kadhafi, si, on dit si, dans l'hypothèse, mettons que si Kadhafi aurait ouvert vraiment le feu sur sa propre population, aurait tué de ses propres civils, puis qu'on dit ça, c'est pas beau, c'est mal. En quoi est-ce que nous autres, le fait d'ouvrir le feu sur leur population en tuant de leurs civils est mieux? Pourquoi? Pourquoi que eux autres, quand ils tuent leur population, c'est mal, mais quand c'est nous autres qui le fait, c'est correct? Nous autres, c'est humanitaire. Eux autres, c'est le mal. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on dit que vous avez Obama, vous avez des gens comme Sarkozy, comme Harper, Bush, toute cette gang-là, qui vous disent le terrorisme? C'est dangereux. Les terroristes pourraient arriver avec des bombes sales, faire exploser des matières radioactives avec une bombe, puis là, ça se répandrait dans la ville. Ça, c'est méchant, c'est du terrorisme. Mais eux autres, ils larguent des déchets nucléaires à uranium appauvri dans leur pays, contaminant le pays pour 4,5 milliards d'années, demi-vie. Puis ça, c'est correct. Des armes à destruction massive, mais nous autres, c'est correct. Comment ça se fait? Puis je fais un lien aussi avec l'histoire du Japon, là, parce que c'est bien intéressant aussi comme parallèle. On vous épeure depuis 2001 avec le terrorisme, le risque potentiel d'une bombe nucléaire qui soit volée puis qu'on éclate dans une ville ou des bombes sales, des dirty bombs comme on appelle, qui on prend des déchets nucléaires ou des peu importe là, des vraiment des résidus qui coûtent pas cher. On emballe ça avec des explosifs puis quand ça l'explose, ça renvoie plein de particules radioactives dans la ville puis là on dit que ça pourrait causer bien des dommages puis on fait peur avec ça, on met en place des systèmes de sécurité partout, la TSA, les scanners, on prend les empreintes digitales qui ont volé, les puces d'un passeport, je veux dire c'est n'importe quoi, j'ai la surveillance sur Internet, tout est filtré, fiché, je veux dire c'est incroyable, c'est dangereux là, je veux dire on a peur de ça comme l'enfer. Mais quand c'est nous autres qui lancent des bombes appauvries en Libye, ou quand vous avez trois réacteurs nucléaires au Japon, à Fukushima, qui sont en train de fusionner, ça, c'est pas grave. On dit que c'est minime, que ça va avoir peu d'impact sur la santé, qu'il n'y a pas de trouble, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de raison de s'en faire, quoi. Tu sais, calmez-vous, il n'y a pas de problème, respirez. Hein? Tout ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça, c'est le titre d'un article que j'ai écrit la semaine passée. Ça va bien aller. Ben oui, ça va bien aller. Ça va bien aller, il n'y a pas de problème. C'est sécuritaire. Les bombes, l'armée, là, le Pentagone américain a déclaré que les bombes nucléaires, là, c'était sécuritaire, que c'était localisé, que ça n'avait pas vraiment beaucoup d'effet. Aucun trouble. Il n'y a pas de problème. Ça va bien aller. Les centrales nucléaires, ça m'a dit, hey, c'est safe. C'est sécuritaire, cette affaire-là. Les gens qui chialent contre ça, c'est hey, c'est des whatever, là. Je dis, c'est des chialeux, là. Hey, ces gens-là, c'est tout le temps en train de chialer. Voyons donc. Ça, tu sais, ça se plaint le ventre plein. On donne l'électricité, puis là, c'est là, ça chiale, nanana. C'est sécuritaire. Ah oui, c'est sécuritaire. C'est sécuritaire pour le reste de l'après-midi. On ne sait même pas si le lendemain, ça va être encore correct. C'est sécuritaire jusqu'à temps de la fin de l'après-midi. Hein? Mais par contre, si vous avez un dangereux Bin Laden qui est mort en 2001, ou son fameux réseau imaginaire d'Al-Qaïda, qui est en fait seulement un nom d'une banque de données de réseau de terroristes entretenus par la CIA, Al-Qaïda, Tim Osman, c'est qui? Bin Laden. Ben, ah, Tim pourquoi Tim Osman, Bin Laden? Ah, c'est le nom que la CIA avait dans ses fiches, OK? Ah, ouais, il finançait ce gars-là avant. Quand c'est eux autres qu'on vous a peur, on dit, oh oui, les terroristes peuvent faire exploser des bombes sales dans la ville. Ça, c'est dangereux. Tout le monde va être affecté, on va mourir. Donnez-nous plus d'argent et toute surveillance, des milliards de dollars. Il faut tout surveiller, lire vos emails, écouter vos conversations téléphoniques par cellulaire. Hein? On va tout ficher, tout emmagasiner votre information. Il faut vous fouiller. On a besoin des empreintes digitales, les empreintes biométriques. On a besoin de tout ça. Ça, c'est grave. Mais que vous avez trois réacteurs nucléaires qui sont en fusion au Japon, ça, c'est nothing. Il n'y a pas. Regardez ailleurs. Circulez, circulez, il n'y a rien à voir. Rien à voir. Circulez. On a lancé quoi? 100 à 150 de ces missiles sur la Libye, juste la première journée, puis les journées subséquentes, avec des têtes à uranium appauvri. Pas de problème, pas de problème. Circulez, circulez, rien à voir ici. Pas de photos, pas de commentaires. Donc voilà. Voilà les doubles standards, le langage orwellien, le monde dans lequel on vit, c'est complètement capoté. Quand je dis c'est une émission lourde, c'est une émission lourde. C'est lourd de voir ça. Je veux dire, on pourrait en parler là, ici pendant des heures. Et puis, ben là, vous avez toutes sortes d'affaires qui se passent en simultané. La crise à Fukushima, là, vous avez la guerre en Libye. Après ça, ben, vous avez Israël qui, pendant ce temps-là, pendant que toute la tension mondiale est occupée un peu partout, est en train de partir son opération plomb durci numéro 2 contre Gaza, contre la Palestine. Pendant ce temps-là, vous avez des fuites de pétrole encore dans le golfe du Mexique. Donc, BP, ça se poursuit. Et ça va bien. T'sais? Le prix de la nourriture qui augmente, vous avez l'économie qui est en train de s'écrouler un peu partout. Ça va super bien. Ça va super bien. Alors, 2011, ça va être une année comme ça. Ça va être une année où le mental n'arrivera même plus à suivre la cadence. Ou à un moment donné, il va falloir que le mental, là, vous l'oubliez, que vous arrêtiez de penser, parce que là, vous allez complètement tomber dans une dépression. Là, vous allez, écoutez, vos nerfs vont lâcher. Vous allez tomber dans une dépression, vous allez briser. À un moment donné, il va falloir que le mental, il s'arrête, puis que vous tombez dans le niveau intuitif. Il va falloir augmenter la conscience, il va falloir augmenter aussi la rapidité, la vitesse à laquelle on réagit, à laquelle on va bouger et prendre des décisions. Ces décisions-là, à un moment donné, ne pourront plus juste se baser sur le mental, parce que le mental, à un moment donné, là, il suivra plus. Les choses vont s'accélérer grandement. 2011 ne fait que commencer. Si vous pensez que c'est déjà essoufflant, là, attendez de voir. Donc, Libye, là, on se retrouve dans une situation où on est en train de placer les pions tranquillement. On voulait arrêter, pour être certain, ce mouvement de révolution qui est en train de se propager partout dans le monde. On va essayer de le casser. Et puis, la meilleure place pour rentrer, pour essayer de le casser, c'est en Libye. Donc, il n'y avait pas vraiment de soulèvement social important en Libye. On en a fait à croire, on a fait des tweets, on a utilisé les réseaux sociaux, on a introduit des mercenaires privés, on est en train de fomenter la déstabilisation dans ce pays-là pour après ça le pointer du doigt, dire il faut qu'on intervienne. On est rendu au point d'intervention, Zap, c'est la porte d'entrée pour installer AFRICOM. AFRICOM, c'est le fameux quartier général des opérations militaires américaine en Afrique. Alors, on avait besoin d'une place. Là, voilà, on rentre par là. Là, maintenant, c'est l'OTAN qui s'engage là. Donc, on officialise tout ça. Police militaire internationale. On rentre en Afrique. La Libye, qui est une place où on recèle d'eau potable. Alors, Israël, qui est fortement intéressé par ça. Vous avez aussi de fortes réserves pétrolières. Donc, vous avez des compagnies pétrolières, évidemment, américaines, qui sont intéressées par ça. Et puis, après ça, on va mettre un pied à terre en Afrique du Nord où on est proche d'un paquet de nations qui sont riches en matières premières, en matières, en ressources naturelles, autant de métaux, de gaz, de pétrole, toutes sortes d'affaires, toutes sortes d'affaires. Donc, il faut être là. C'est très stratégique. Ça n'a rien à voir avec protéger le peuple, absolument rien à voir avec le peuple, là. OK? Je veux dire, il y a des affaires bien pires qui se passent au Bahreïn. Vous allez voir dans les nouvelles, je vais vous poster ça cette semaine, ce qui s'est passé au Bahreïn. Écoutez, vous avez l'Arabie Saoudite qui est rentrée dans le tas. Vous avez le roi là-bas qui a lancé l'armée dans le peuple aussi. Là, finalement, on est en train d'écraser ça de façon bien violente. Mais ça, parce que c'est des amis aux États-Unis, on n'intervient pas, là. On parle pas ici de zone d'exclusion aérienne au-dessus du Bahreïn. Ben non, ça, c'est des copains. Vous avez des révolutions qui sont en train de se passer aussi en Arabie Saoudite. Le peuple est en train de se révolter contre ce pouvoir tyrannique qui est en place. Est-ce que vous voyez les États-Unis et puis la France ou le Canada, hein, demander à une zone d'exclusion aérienne au-dessus de ces pays-là? Est-ce qu'on va attaquer ces pays-là? Ben non, c'est nos amis, ça. C'est nos grands potes. C'est eux qui, écoute, on fait business avec eux autres, je veux dire. C'est nos amis. Donc, fait que ça, c'est des tyrans qui écrasent leur peuple, qui tirent vraiment sur leur propre population. Mais ça, c'est correct parce que c'est nos amis. Tandis que Kadhafi, lui, on l'aime moins en face. Hein? Kadhafi, il nous est moins sympathique, ce gars-là. Parce qu'il a des idées bizarres comme nationaliser le pétrole puis introduire une monnaie indépendante des banquiers internationaux basée sur une vraie valeur. Fatigant, ça. Fait que, tiens, on va rentrer en Libye. De toute façon, Libye, c'est ce qu'on appelle une soft target. Hein? C'est une cible facile, une cible molle. Parce que vous avez, quoi, 6 millions d'habitants là-bas? Et puis une armée qui est quasiment inexistante. Je veux dire, vraiment très faible. Alors, c'est vraiment facile à faire tomber. Et puis là, zoup, tout d'un coup, en plus, ben là, on se dit, hey, on défend le peuple, hein, on protège la rue arabe et puis les soulèvements de la population arabe. Ben oui, mon œil. Mon œil. OK? Donc, le bombardement de la Libye a commencé, le pays sera détruit, ses écoles, son système éducatif, son eau, ses infrastructures, ses hôpitaux, avec de nombreuses erreurs tragiques, évidemment, et autres dommages collatéraux de mère, père, enfant, bébé se poursuivront. Vous avez d'ailleurs un autre, un général, j'ai oublié son nom, un général, je pense que c'est Wesley Clark, qui a déclaré que la guerre contre la Libye était préparée déjà depuis 10 ans. OK? On avait une série de pays comme ça qui étaient déjà préparés avant même que Bush soit au pouvoir. On voulait renverser l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran, la Libye, la Syrie. OK? Donc, vous avez tous ces pays-là qui étaient d'ailleurs, qui faisaient partie de l'axe du mal, hein? Et puis là, ben ça fait partie de l'agenda depuis longtemps. C'est pas une guerre qui vient soudainement d'arriver, là. C'est pas de quoi un élan du cœur humanitaire là, qui vient de partir, là. Non, non, non, non, non. Ça fait longtemps que c'est prévu, ces affaires-là. Donc là, au début, les Libyens seront un problème accessoire, puis ils deviendront vite l'ennemi des insurgés, un peu comme en Irak, en Afghanistan. On va leur tirer dessus, ils vont être emprisonnés, torturés, victimes de toutes sortes d'abus, et un gouvernement fantoche, ami des États-Unis, sera mis en place. C'est facile à prédire, c'est ce qui se passe ailleurs. Pour ça, les envahisseurs vont accorder à leur firme des contrats pour la reconstruction. L'argent sera sans doute prélevé sans compter sur les actifs gelés, disparaîtra, les pays resteront largement en ruine. Comme d'habitude, comme en Afghanistan, comme en Irak. C'est pas vos enfants qui entendent des jets qui passent à basse altitude au-dessus de la maison puis au milieu de la nuit. C'est des bruits de bombardement. Ça traumatise un peuple au complet, ça. C'est pas humanitaire. Alors, des faux prétextes. Vous avez cet article ici, allez voir, de Global Research. Des faux prétextes. Des fausses raisons pour partir la guerre. Changer le régime. Voyons donc, changer le régime. Protéger les civils. Ben oui, protéger les civils. Un autre faux prétexte. Évidemment que c'est faux. Pourquoi? Ben parce qu'on n'en a rien à foutre. Je veux dire, si on voulait protéger les civils, on aurait déjà imposé une zone d'exclusion aérienne au-dessus du Bahreïn, comme j'avais dit, au-dessus de l'Arabie Saoudite, par exemple. On ne l'a pas fait. Hein? Pourquoi qu'on le ferait en Libye? Hein? Est-ce qu'on protège les civils en leur lançant des missiles par la gueule? D'autant plus avec des charges à uranium appauvri? Pas sûr de ça, moi. On commence à parler. Vous avez ici un reporter là, qui était sur place et puis qui parlait de la situation sur le sol. Et puis quand il commence à parler du nombre de morts de civils, eh bien, zoup, vous avez la transmission satellite qui s'arrête abruptement. Alors, vous voyez un peu une coïncidence, j'imagine. Ben oui, on ne veut pas parler de ça, hein? Donc, vous allez voir un autre article ici qui parle de bombardement des alliés, 48 civils tués, la Russie et la Chine ont protesté violemment contre ça. Et puis, comme je vous disais, ben, on a déjà sur place des agents israéliens, ça certains, des mercenaires engagés par les Israéliens, et puis aussi des agents du SAS britannique qui sont déjà aussi sur place. Alors, la Libye qui va subir le traitement du Kosovo, alors pas mal la même affaire. Et puis là, vous avez des opérations sur le sol qui pourraient partir au mois d'avril selon les services de renseignement russes. 350 forces spéciales britanniques qui étaient profondément à l'intérieur de la Libye. Un article du Daily Mail qui fait état de ça. Et bon, ben voilà quoi. Donc, on est en train vraiment de se préparer là à prendre contrôle de ce pays-là. Alors, une autre guerre impériale de plus, une guerre impériale, bien sûr, pour apparemment. Évidemment, les intérêts humanitaires. Ben oui, bien sûr. Donc, vous avez des compagnies étrangères en Libye comme ExxonMobil, British Petroleum, Shell, vous avez Hess Corporation, Marathon Oil, Occidental Petroleum, ConocoPhillips, Spanish, Repsol, vous avez la compagnie allemande de Wintershall, la compagnie autrichienne OMV. Vous avez State Oil aussi de la Norvège et puis Petro-Canada qui sont installés en Libye et puis qui aimeraient bien continuer à avoir accès au pétrole et ne pas le voir nationalisé. Alors, c'est un peu la même affaire que s'était passé en 1953 alors que la CIA avait fait un coup d'État contre Mohamed Mossadegh en Iran. Hein? Donc, touchez à nos pétroles et nos profits, on va vous débarquer du pouvoir. Chavez, lui, qui a acheté pour 15 milliards de plus d'armement. Parce que lui, il regarde ce qui se passe justement en Libye, puis un peu partout dans tous ces pays-là, puis il se dit, bon, ben, nous autres qui maintenant ont la plus grande réserve de pétrole au monde, hein, on sait qu'on est visé directement par les Américains qui ont ouvert 7 bases militaires de plus en Colombie, juste à notre frontière. On a déplacé des flottes impressionnantes au Costa Rica, tout de suite après le tremblement de terre à Haïti. Donc, on sait qu'on est pas mal les prochains sur la liste, là. Donc, lui, Chavez, il s'est acheté un paquet d'armements de plus, des chars d'assaut, des véhicules d'infanterie aussi, des sous-marins. Vous avez toutes sortes d'équipements comme ça, des avions de chasse et puis de guerre, des G-10, des avions de chasse chinois et puis aussi des hélicoptères russes. Alors, une centaine d'hélicoptères russes. Alors, lui, bon, il sait très bien là, que à un moment donné, là, il a besoin Il y a besoin d'éléments de dissuasion. Donc, vous avez ici d'ailleurs un lien qui documente le fait justement que le Venezuela est la plus grande réserve de pétrole au monde maintenant, ayant surpassé l'Arabie saoudite. Ça a été d'ailleurs rapporté par CNBC, avec plus de 297 milliards de barils de pétrole qui a été finalement là, trouvé à la fin de 2010. C'est pas incroyable. On va faire une dernière petite pause musicale, puis on va après ça terminer avec le fameux dossier du Japon. Ça aussi, là, c'est toute une histoire. Ça va pas bien au Japon. Donc, on se retrouve tout de suite après. Écoutez, il y en aurait énormément à dire. Je vais essayer de vous résumer le plus rapidement possible et de façon plus précise ce qui est le plus important à retenir. Ce qui est certain, c'est que, écoutez, là, la situation se dégrade là, à la vitesse de la lumière. C'est absolument incroyable là, ce qui se passe là-bas. C'est effectivement probablement la pire catastrophe. C'est pas la pire en ce moment. Trop, moi, je pense que ça l'est là, bien pire que ce qui s'est passé à Tchernobyl. Vous avez, vous rappelez, les 6 réacteurs qui sont sur place. Vous en avez 3, le numéro 1, 2, 3 qui sont en fusion ou en tout cas en fusion partielle. Ça, c'est certain. On a eu une aggravation de la situation là-bas qui est complètement hors de contrôle. Alors, on va dire ça là, tout de suite en partant là. Peu importe les informations qu'on a à dire, là, la situation est absolument hors de contrôle. OK? Il n'y a pas de solution. Il n'y a personne qui sait qu'est-ce qui va arriver avec ça. Probablement que ça va se terminer avec des tas de boracks et puis de sable et de béton. Donc, on va probablement faire une petite montagne par-dessus ces réacteurs-là et puis condamner ça. Les taux de radioactivité sont extrêmement élevés dans la centrale et puis on évidemment mesure des taux de radioactivité assez élevés dans les alentours, à plusieurs kilomètres même jusqu'à Tokyo. On a aussi commencé à détecter des particules radioactives partout en Amérique et jusque même en Europe. Donc là, c'est en train de faire le tour de la planète avec les vents. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus non plus. Je veux dire, c'est certain que on va tout égoutter. Ce qui est différent de Tchernobyl, c'est que, comme je vous disais dans les émissions précédentes, on n'a pas d'explosion majeure qui fait que on a une contamination massive de l'atmosphère d'un coup. Par contre, ce qui arrive, c'est que on se retrouve avec deux fusions nucléaires d'uranium normal, mais un aussi au MOX qui contient du plutonium. On commence à avoir des taux de radiation très importants partout là, dans les centrales, particulièrement en dessous du réacteur numéro 2 et 3. En fait, le 1, 2 et 3. En fait, sous le réacteur numéro 1 et 3, on a mesuré des taux de radioactivité 10 000 fois plus élevés que la norme. Et puis hier, une grosse nouvelle est sortie. On a fait apparemment une erreur. Je veux dire apparemment parce que vous allez comprendre. Premièrement, ce qui avait été publié, c'était que un employé était arrivé sous le réacteur numéro 2 et puis avait mesuré des taux de 10 millions de fois plus de radioactivité que la norme sous le réacteur, alors qu'il avait trouvé une petite mare d'eau extrêmement contaminée, extrêmement contaminée. Tellement élevée que, dit-on dans les nouvelles qu'on a qui sortent du Japon, que les mesures sur leurs instruments n'allaient pas assez loin, c'est-à-dire que l'aiguille est allée taper carrément dans le fond et il n'avait même pas assez d'unités suffisantes là, sur l'écran pour mesurer ce qui se passait en termes de radioactivité sous le réacteur numéro 2. On est sorti avec la nouvelle dans les médias en disant qu'il y avait 10 millions de fois le taux de radiation normal et puis zap, on a essayé de revenir de l'arrière quelques heures par après en s'excusant, en disant qu'on avait commis une erreur de calcul et puis que ce n'était que de 100 000 fois, ben 100 000 fois. Alors vous avez ici une différence de proportion de l'échelle de 100. Alors, on passe comme ça, c'est complètement ridicule, je veux dire, c'est comme si on disait, hey, on a trouvé des taux de radiation 200 fois pire que la norme, et puis là, on se ravise, on dit, non, non, finalement, c'est juste 2 fois. Écoutez, la marge est incroyable, on part de 10 millions à 100 000. Mais anyway, on parle de chiffres, là, je veux dire, on parle de chiffres, puis à un moment donné, ça nous devient quasiment ridicule. Pourquoi? Ben, parce que, en quelque part, écoutez, pensez à ça, là, je veux dire, on dirait qu'il y a des taux de 2 fois plus élevés, 10 fois plus élevés, puis on sonnerait l'alarme dans une centrale nucléaire, même dans une ville, peu importe où on trouverait des taux de radiation aussi élevés, là. On dirait de 2 à 5 fois, peut-être même 10 fois plus élevés. On dirait, hey, attention, il y a quelque chose qui se passe, que, disons, on sonnerait l'alarme, ça, c'est certain. Là, on est rendu avec des taux de 100 000 fois, 100 000, 100 000, 10 000 en dessous sous le site du bâtiment numéro 1 et 3, et puis de 100 000 fois plus élevé sous le réacteur numéro 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Une chose, c'est soit que vous avez l'enceinte de confinement qui est percée, une brèche, et puis que vous avez une fuite de matériaux radioactifs qui s'échappent et qui vont évidemment contaminer l'eau qui s'échappe aussi de là et contamine l'eau qui se trouve sous le réacteur, dans les turbines, etc. Ou, et peut-être, et, parce que c'est peut-être et un ou, les cœurs sont en fusion, ce qui est fort probable, ce qui est fort probable, avec toutes les images qui sont sorties maintenant, selon ce que le gouvernement japonais a déclaré, ce que le TEPCO, la compagnie qui gère Fukushima, a déclaré, on a fort probablement dans un des réacteurs, je crois que c'est 30% du cœur du réacteur qui est fondu, qui est fusionné. Et dans un autre, c'est plus de 70%. Mais encore là, c'est très aléatoire comme chiffre, à mon avis, parce qu'on n'est pas vraiment certain. On n'a pas encore de personnes qui sont entrées à l'intérieur et puis aller voir. On n'a pas de robots, quoi que ce soit. Donc là, on est rendu, selon des calculs aussi, on n'est pas très loin là, des émissions que Tchernobyl a produites il y a 25 ans aussi. Donc là, ce qui arrive, chers auditeurs, c'est qu'on se retrouve avec des taux absolument catastrophiques et puis on se retrouve avec fort possiblement, à l'état actuel, 3 cœurs de réacteurs nucléaires qui sont soit partiellement fusionnés ou qui sont en complète fusion. Là, ça continue de s'aggraver. Vous avez plusieurs autres tremblements de terre qui ont frappé le Japon, dont un hier à 6,5, qui a été ramené, je pense, à 6,1 sur l'échelle de Richter. Qui a frappé le Japon lundi, en fait ce matin. Et puis, vous avez toutes sortes de nouvelles qui sortent. TEPCO qui savait qu'il y avait plusieurs risques qui couraient dans ces centrales-là. On avait déjà des informations comme quoi qu'un des réacteurs était vraiment une bombe ambulante, n'était vraiment pas sécuritaire. Vous avez aussi les gens de TEPCO qui savaient qu'il y avait des risques importants par rapport au tsunami. Donc, on savait qu'il y avait un problème de sécurité par rapport au tsunami. Ça a été d'ailleurs révélé par maintenant des articles de journalisme d'enquête. Et puis, vous avez, écoutez, ça faisait déjà 2 ans là, qu'on savait que on avait des problèmes par rapport à ça, là, par rapport à la sécurité par rapport au tsunami. On a ignoré évidemment les signaux d'alarme. Et puis, bon, vous avez toutes sortes comme ça là, si vous voulez, de fautes qu'on a passées sous silence, des problèmes techniques qu'on a étouffés, et puis on a joué avec, évidemment, la sécurité des gens, des Japonais en général, puis voilà ce qui est arrivé. Vous avez un article ici qui s'appelle le Nuclear Meltdowns 101, alors un cours là, 101, si vous voulez, de la fusion, de cœur nucléaire, et qui explique un peu c'est quoi la différence entre radiation et radioactivité. On dit qu'il faut pas mêler les deux. Que bien souvent on entend dans les médias les gens parler un peu de n'importe quoi. Donc on dit qu'il y a des radiations qui sont ici non dangereuses, non mortelles, qui sont par exemple des radiations qu'on a d'une lumière incandescente, par exemple, ou d'une machine à rayons X, ou tout simplement de rayonnement de radiation qu'on se prend en allant se faire griller à la plage ou finalement dans un salon de bronzage. Ensuite, vous avez radioactivité ou la contamination radioactive. Et puis ça, c'est ce qu'on obtient quand on a une bombe nucléaire qui explose ou une centrale nucléaire qui fait fusion comme en ce moment. Et puis qui, évidemment, cette contamination radioactive qui reste et qui produit de la radiation pendant des années. Alors, on dit que autant que la radiation que la radioactivité sont invisibles et difficiles à mesurer, mais que c'est là où la similarité se termine. La radiation consiste en des particules subatomiques qui, généralement, vont en ligne droite et à la vitesse proche de celle de la lumière. Et que s'il y a assez de radiation, des matériaux qui, initialement, n'étaient pas radioactifs peuvent devenir radioactifs. Par contre, la radioactivité, elle, est causée par des matériaux qui sont radioactifs et qui se dégradent avec le temps dans d'autres matériaux, d'autres phases élémentaires, et qui certaines sont plus radioactives ou sont aussi radioactives, et d'autres plus stables, et qui, à différents taux, évidemment, plus ou moins rapidement, se dégradent. Et puis, par exemple, vous avez l'uranium et le plutonium qui, évidemment, restent sur le sol pendant des milliers d'années, c'est pas plus. Alors, vous avez comme ça des substances radioactives qui peuvent être pulvérisées puis transportées dans l'atmosphère par des explosions, pas nécessairement des explosions nucléaires, et qui peuvent aussi être transportées par les vents sur des milliers de kilomètres et qui peuvent polluer de grandes étendues de territoires, autant océaniques que continentales. Évidemment que l'exposition à des niveaux excessifs de radiation cause de l'empoisonnement de radiation, par rayonnement aussi qu'on appelle. Et les gens peuvent s'en remettre de ça. Par contre, vous avez différents éléments radioactifs variés qui peuvent polluer l'environnement et qui, eux autres, sont absorbés par des organismes vivants d'une variété très différente, là, de différentes façons, et que plusieurs ne sont pas encore très bien compris par la science. Et qui causent un empoisonnement de ces organismes-là en causant toutes sortes de problèmes comme des cancers, comme des déformations génétiques, aussi des problèmes génétiques, et qui sont assez difficiles. Certains peuvent être éliminés du corps, mais certains sont tout simplement logés dans les poumons, dans les os, la moelle épinière. Pour le reste de la vie de ces individus ou de ces organismes vivants, et où ils demeurent radioactifs, et où ils affaiblissent les systèmes immunitaires, causent des cancers, et puis comme je disais, même des bébés déformés, et qui aussi raccourcit la durée de vie des personnes et des organismes dans lesquels ils se retrouvent incrustés. Donc évidemment, on fait toutes sortes de comparaisons boiteuses dans les médias où on dit que l'énergie nucléaire est beaucoup plus sécuritaire que, par exemple, les avions, les trains, les automobiles, hein, que toutes sortes d'autres affaires comme ça. Et c'est complètement ridicule comme comparaison parce qu'on dit, écoutez, vous savez, la centrale de Fukushima, ça n'a pas encore tué personne. Hein, j'en ai parlé pas mal la semaine passée. Évidemment que ça n'a pas encore tué personne, mais le problème, c'est que ça va tuer probablement des centaines de milliers de personnes dans les années à venir. Par contre, ce n'est pas des millions. Il est pas mal documenté maintenant, je pense très très bien documenté, que Tchernobyl a tué, a entraîné la mort de au-dessus de 900 000 personnes, de 900 000 à 1 million de personnes. Okay? Alors, ce million de personnes-là n'est pas mort immédiatement le jour de Tchernobyl, mais sont mortes par contre sur la période de 25 ans qui ont suivi. Okay? Donc, évidemment que le pire est à venir. Hein? Ces trucs-là vont rester dangereux pendant des millions d'années. Beaucoup plus longtemps que l'espérance de vie d'une personne, que l'industrie de l'énergie nucléaire ou que n'importe quelle industrie ou même de n'importe quelle civilisation humaine, ou peut-être même de la race humaine. Alors, quand les experts nucléaires vous disent que le nucléaire est une énergie qui est sécuritaire. Ce qui veut dire, c'est que c'est sécuritaire tout simplement pour le reste de l'après-midi. Au-delà de là, ils n'ont possiblement aucune façon, aucune donnée pour supporter ce qu'ils avancent. Alors, quand on vous présente tout le temps une vision rose de l'avenir et puis que tout demeure sous contrôle et puis de tels scénarios comme ça, il n'y a aucune approche valide à ça. Quand ils disent que l'énergie nucléaire est sécuritaire, ce qu'ils vous disent réellement, c'est que dans un cadre où tout est parfait, où on pourrait possiblement tout prédire de façon précise, dans un futur indéfini, écoutez, il faudrait que dans un futur indéfini, tout demeure économiquement stable, socialement stable, météorologiquement stable, géologiquement stable. Dans ces données-là, oui, tout serait correct. Mais voyons donc, on n'habite pas dans un cadre comme ça. On ne peut pas prévoir toutes ces choses-là. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Alors, moi, je vous ai collé des extraits justement pour savoir c'est quoi le rayonnement. Donc, rayonnement, synonyme de radiation physique, désigne le processus d'émission de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse. Alors, vous allez comprendre qu'à chaque type de radiation correspond à sa particule porteuse de l'interaction, le photon pour le rayonnement électromagnétique ou les particules alpha, bêta ou neutrons, ou ce qu'on appelle les fameuses particules gamma, les rayons gamma. Alors, vous devez comprendre c'est quoi la différence entre chaque, les types de pénétration qu'ils ont. Alors, alpha et bêta, ne pénètrent pas même la surface d'une feuille ou de la peau. Bêta, ça prend une feuille d'aluminium pour l'arrêter, alors que les rayons gamma, eux, traversent à peu près n'importe quoi. Ou, en tout cas, ça prend des épaisseurs assez importantes de béton ou de plomb pour les arrêter. C'est évidemment les plus dommageables. Les trois ont des effets différents, et puis il faut savoir faire la différence entre les trois. Je vous ai laissé plusieurs extraits de Wikipédia qui étaient très bien montés à cet effet-là. Alors, vous allez voir, vous allez comprendre c'est quoi la radioactivité, qui est un phénomène qui a été découvert par Henri Becquerel en 1896 sur l'uranium, est très vite confirmé par Marie Curie pour le radium, est un phénomène physique naturel au cours duquel des noyaux atomiques instables, dits radioisotopes, se transforment spontanément, on parle de désintégration, en dégageant d'énergie sous forme de rayonnement divers pour se transformer en des noyaux atomiques plus stables ayant perdu une partie de leur masse. Les rayons ainsi émis sont appelés, selon les cas, des rayons alpha, bêta et des rayons gamma. Donc, on dit que les rayons gamma provenant des retombées radioactives seraient probablement le plus grand danger dans le cas d'une guerre nucléaire. Si les rayons gamma sont moins ionisants que les rayons bêta ou alpha, ils demandent des épaisseurs de blindage beaucoup plus importantes pour s'en protéger, de l'ordre de quelques mètres d'épaisseur de béton armé. Ils peuvent produire des dégâts similaires à ceux produits par les rayons X et les rayonnements ionisants tels que brûlures, effets déterministes, les cancers et mutations génétiques. Alors, les effets stochastiques. Donc, vous avez des interactions avec la matière, vous devez voir les rayons gamma ont tendance à s'accumuler en pic, là, en exponentiel à peu près dans 1 cm de profondeur dans la peau. Ensuite, je parle de ça parce que, évidemment, on doit savoir c'est lesquels les trucs les plus importants, savoir ce qui s'échappe à travers de cette centrale-là. Vous avez des échantillons de sol qui ont été faits par TEPCO. On est en train de regarder voir s'il n'y a pas du plutonium. Le plutonium, c'est probablement la substance la plus toxique qui existe sur Terre. On dit que la radioactivité du plutonium peut être bloquée par la peau humaine ou par une feuille de papier. On dit que plus on est éloigné de ça, moins il y a d'effet. Ça marche au carré de la distance. Mais l'inverse est vrai aussi. Dans les médias, on essaie tout le temps de vous rassurer en disant qu'on est loin. Parce qu'on est loin, je veux dire, les risques de radiation sont extrêmement faibles, parce que plus on s'éloigne de la source, moins on est affecté par ça au carré. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est ce qu'ils ne vous disent pas. C'est-à-dire que vous avez un effet qui est environnemental, c'est-à-dire la radiation qui est émise dans l'air, dans l'environnement. Mais vous avez aussi la radiation qui est émise par une particule qui a été ingérée par le corps. Alors, si une de ces particules-là, comme le plutonium, le césium, l'uranium, est absorbée, une seule particule, si une seule particule est absorbée par vous et prise dans vos poumons, eh bien là, la fameuse carré fonctionne aussi à l'inverse. C'est-à-dire que là, la particule est tellement proche de vous, est en fait à des microns proches de vos propres cellules, émet de la radiation qui sont des trillions de fois pire que si vous étiez à 1 mètre, par exemple, de la particule, qu'elle était à l'extérieur de vous, qu'elle flottait à l'extérieur de vous, ou qu'elle était au sol et qu'elle émettait une certaine radiation. Parce que là, vous la portez à l'intérieur de vous. Donc, elle est franchement plus proche de vos cellules. Donc, ça a été même déjà d'ailleurs déclaré par un expert japonais sur des réseaux de télévision japonaises. Alors, il disait que là, on minimise tout partout dans les médias. On dit, ah, c'est pas grave, là, écoutez, vous êtes aux États-Unis, on est au Canada, vous êtes en Europe, on est loin de ça. Une seule particule, c'est là. Mais si la particule rentre dans vos poumons, par contre, ah ben là, ça change toute l'histoire. Donc, c'est tous des petits détails comme ça qui sont importants pour défaire la propagande, parce que là, évidemment, qu'on a toute cette campagne-là pour essayer de faire croire qu'il n'y a rien là, c'est pas grave. Oui, c'est grave sur les alentours, mais pour le reste, il n'y a aucun problème. Hein? Alors, faites attention, chers amis. Et puis, quand on fait des comparaisons là, avec les rayons X puis tout, là, sachez que les rayons X maintenant sont responsables d'une quantité énorme de cancers. En fait, que la majorité des cancers sont dus à cause de la radioactivité, la radiation à laquelle vous êtes exposé dans les hôpitaux, avec les fameux rayons X tout le temps, les scans, CT, hein? Alors, les backscatter. Donc, vous avez, oui, on parle tout le temps dans les médias d'une exposition naturelle à la radioactivité environnante qui, normalement, pour chaque être humain, représenterait environ 2,5 millisieverts sur un total de 2,5 à 3,5 environ, là. Donc, cette dose peut varier de 1 à 40 millisieverts selon l'environnement géologique et les matériaux d'habitation. Sauf que, comme je vous dis, c'est tout le temps à savoir si cette radiation-là est à l'extérieur de vous, ou bien non, si la particule est rendue dans votre corps, si elle est absorbée. Alors, allez voir ça, plusieurs informations par rapport à ça, faire la différence entre radioactivité naturelle et artificielle. Dans celle d'artificielle, évidemment qu'on compte les industries minières, centrales au charbon. Vous avez aussi l'armée, les retombées d'essais nucléaires, les bombes nucléaires, l'énergie nucléaire civile, les déchets radioactifs, la catastrophe de Tchernobyl, maintenant l'accident nucléaire de Fukushima. Vous avez aussi les recherches en physique des particules comme au CERN et puis en Suisse aussi au GANIL, France. L'imagerie médicale aux moyens de rayons X produit la plus forte dose d'exposition humaine au rayonnement ionisant. Voilà. Ça, c'est assez aussi important. Tant qu'on parle maintenant hein, de radiation, peut-être qu'il faudrait arrêter aussi de faire des rayons X à tout bout de champ. Donc, on dit que ce qui est sans danger dans la zone bleue, selon les classifications, là, selon les sites nucléaires français, on a mis ça en zone selon l'accès et puis bon, l'exposition de niveau différent. Zone bleue, c'est de 2,5 à 7,5 microsieverts. La zone verte, c'est de 7,5 à 25 microsieverts. Après ça, vous avez la zone jaune de 25 microsieverts à 2 millisieverts. Ensuite, vous avez la zone orange, où ça commence à chauffer pas mal, là, de 2 à 100 millisieverts. Et puis la zone rouge à plus de 100 millisieverts. Alors, vous devez comprendre que les fameux travailleurs en ce moment, les courageux, écoutez, c'est quasiment émouvant de voir ces gens-là travailler dans la zone désastrée, vraiment. Catastrophé, je sais pas, tenter de créer des nouveaux mots. La zone complètement dévastée, si vous voulez, hautement radioactive de Fukushima, sacrifier leur vie pour essayer de prendre contrôle de la situation. Normalement, un être humain est exposé à, comme je vous disais, à environ 3,5 millisieverts par année. Ces gens-là travaillent dans des conditions. On a élevé les standards juste pour eux autres à 250 millisieverts. Alors, ces gens-là se prennent des doses plusieurs fois la normale par année. Donc, écoutez, les effets statistiquement observables apparaissent pour des doses cumulées supérieures à 100 millisieverts, soit un stationnement de plus de 50 heures, une semaine à temps plein en zone jaune. Cette exposition doit être atteinte en 1 heure en zone orange. Et puis, les gens qui travaillent en ce moment sur Fukushima pour essayer de prendre contrôle de la situation. Les autres, ils subissent des zones, écoutez, là, des pics à 250 à au-dessus de 1000 millisieverts. En fait, 1000 millisieverts, on est rendu à 1 siver. Alors, c'est des doses massives de radioactivité. Comme je vous dis, en dessous du réacteur numéro 2, on a découvert plus de. Écoutez, là, on est passé à 100 000 fois la norme de radioactivité dans l'eau contaminée sous le réacteur nucléaire. C'est énorme. C'est énorme. Vous savez, ces fameux scanners qu'on fait, les scanners médicaux, le patient peut, par exemple, recevoir une dose moyenne de 0,05 millisievert, un examen local, ou de 25 millisievert sur un scanner du crâne, ou de 150 millisievert, un scanner du corps en entier. 150 millisievert, le scanner là, du corps entier, là, c'est extrêmement dangereux pour le corps, là. On dit qu'il faut d'ailleurs éviter un maximum de 3 examens d'un organe par an. Parce que justement, sinon on l'irradie beaucoup trop. Alors, énormément d'informations pour aller tout démêler ça. Ensuite, vous devez comprendre le point de fusion d'un combustible est d'environ 2800 degrés, hein, tandis que la gaine de zirconium se détériore aux alentours de 830 degrés dans les cœurs des réacteurs et puis rompt aux alentours de 1200 degrés Celsius. La fusion de la gaine intervient environ à 1600 degrés Celsius. La température atteinte en quelques minutes dans un cœur de réacteur à l'arrêt se trouverait en partie hors de l'eau, ce qui est arrivé pendant des heures au site de Fukushima. Alors ça, c'est d'autres données qui montrent justement le fait que les températures sont extrêmement élevées. C'est pour ça qu'on voit de la fumée grise, blanche et noire monter de ces sites-là depuis 2 semaines. On assiste à une fusion du cœur d'un réacteur nucléaire fois 3. En plus des piscines, comme je parlais de la semaine passée, les fameux bassins où on entrepose les fameux crayons de combustible nucléaire qu'on a accumulés depuis 40 ans. On en a des milliers de tonnes, environ de 1 700 à 3 000 tonnes d'entreposés là. Et puis le truc s'évapore maintenant dans l'atmosphère avec toutes sortes de produits radioactifs. Les tubes peuvent faire fondre. Le corium peut migrer dans le réacteur, s'accumulant généralement dans les parties basses, dans la mesure où la géométrie du cœur n'est plus alors contrôlée. Il y a un risque aussi d'accident de criticité qu'on appelle, si les barres de contrôle fondues avec le reste ne peuvent plus assurer leur fonction. Alors, on se retrouve avec toutes sortes de produits dans l'air. Vous avez des photos ici, conséquences d'un défaut de refroidissement des piscines d'entreposage. Alors, on parle évidemment que ces piscines doivent être maintenues à un maximum de 25 degrés Celsius au maximum. Demande un refroidissement constant. C'est ça qu'on n'a pas dans les 3 réacteurs, numéro 1, numéro 2, numéro 3, même numéro 4. Alors, on se retrouve avec de l'eau en ébullition. Et puis là, on se retrouve avec évidemment de l'oxydation qui se passe dans les crayons de combustible. Donc, on se retrouve avec ces piscines, ces fameux bassins, ces piscines d'entreposage au-dessus des réacteurs, comme je vous parlais la semaine passée. Et puis là, on se retrouve dans une situation très grave où l'eau des piscines s'évapore, ce qui prend quelques jours. Probablement, sont vides en ce moment. On essaie de les remplir avec de l'eau de mer. Là, on essaie avec de l'eau fraîche ces jours-ci. On se retrouve avec des éléments combustibles irradiés qui contiennent, qui peuvent fondre ou prendre feu, répandant leurs produits de fission directement dans l'atmosphère. Et puis, si tel est le cas, des rejets radioactifs correspondants seraient bien supérieurs aux rejets survenus jusqu'à présent. Un tel accident serait de niveau de gravité bien pire que celui de Tchernobyl. Vous avez un niveau de radioactivité 1000 fois supérieur à la norme qui a été détectée samedi matin dans la salle de contrôle du directeur numéro 1 de la centrale de Fukushima. En fait, le 16 mars, aux alentours de 16 heures, vous avez le niveau de radioactivité au-dessus de la centrale de Fukushima Daiichi qui a atteint 1 500 millisieverts par heure. Ça a même empêché les hélicoptères de larguer de l'eau dans les réacteurs. Ensuite, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, un niveau de radiation de 400 millisieverts par heure a été observé entre les unités 3 et 4. À ces taux de radiation, les travailleurs du nucléaire sur le site de Fukushima est exposé en 3 minutes à la dose limite admise en France pour une année. La limite de dose pour un travailleur du nucléaire en France est de 20 millisieverts par année. La limite réglementaire d'exposition aux circonstances exceptionnelles est de 100 millisieverts. Cette limite réglementaire a été exceptionnellement relevée à 250 millisieverts pour permettre aux travailleurs de continuer à intervenir sur le site de Fukushima. Le 27 mars 2011, les échantillons d'eau prélevés au sous-sol de la salle de turbine située derrière le réacteur numéro 2 relèvent un taux de radioactivité de 1 sievert l'heure. Alors, 1 sievert l'heure, c'est 1000 millisieverts, hein? On est en zone jaune, on retrouve même des sites où on a jusqu'à deux sievers. Le 24 mars 2011, les équipes de l'Agence de l'AIEA, je devrais dire, ont enregistré des taux de 161 microsieverts par heure dans les villes de Nami, dans la préfecture de Fukushima, à 8 km au nord-ouest de la centrale. Une population exposée à ce taux pendant 5 jours accumule 20 millisieverts, ce qui correspond à la dose autorisée en un an pour un travailleur du nucléaire en France. En 25 jours soumis à ce taux, la population exposée atteindrait la limite de 100 millisieverts, seuil à partir duquel les risques de cancer dus à la radioactivité augmentent significativement. Vous avez le ministre japonais des Sciences qui déclare qu'un débit de dose de 0,17 millisievert a été mesuré à 30 km au nord-ouest de l'accident, soit 20 millisieverts reçus en 5 jours de 24 heures, ce qui correspond à la dose autorisée en un an pour un travailleur du nucléaire en France. Le 15 mars 2011, TEPCO annonce un niveau de radiation de plus de 8 microsieverts par heure. Dans son 22e communiqué sur la situation, on affirme que l'augmentation de radioactivité par rapport à celle mesurée le 13 septembre est en augmentation. Pour la centrale de Fukushima, on cite une mesure approximative de environ 5,4 microsieverts en limite extérieure nord du site. Les taux de radioactivité de l'air ambiante qui sont 800 fois supérieurs à la radioactivité ambiante moyenne par heure, ce qui signifie qu'à des kilomètres de la centrale, on se trouve déjà en zone jaune. Ensuite, vous avez des mesures qui ont été effectuées à 2 km de la centrale de Fukushima par 6 journalistes de l'association Japan Visual Journalists Association qui ont permis de constater un débit de dose équivalent de 10, voire 100 millirontgens, soit environ 1 millisievert par heure, ce qui est énorme. Et puis là, vous avez aussi l'eau de l'océan qui, elle, a testé avec des taux de radioactivité selon différents éléments. Là, je crois que le césium a été à plus de 1600 fois les taux normaux. Alors, situation extrêmement critique. Extrêmement critique. Vous avez plusieurs pays qui se sont évidemment posé des questions. Vous avez plusieurs conséquences des politiques énergétiques nationales et la réaction du grand public. L'Union européenne, vous avez différents pays qui ont commencé à mettre. Ça a relancé le débat d'utilisation de l'énergie nucléaire, c'est certain, là, comme en Allemagne, en Italie, en France. Vous avez l'Allemagne qui a décidé le 14 mars de mettre un moratoire de 3 mois sur l'allongement de la durée de vie de 7 de ses 17 réacteurs. Vous avez en France une manifestation qui est organisée le 13 mars en 2011 à Paris. Vous avez des gens qui ont manifesté contre ça. Par contre, aucun débat populaire ni référendum n'est toutefois annoncé par le gouvernement français. Il rejette également toute idée de moratoire. Au contraire, Nicolas Sarkozy annonce le 24 mars 2011 que le choix de l'énergie nucléaire n'est pas remis en question. La Suisse qui annonce la suspension du projet de renouvellement de ses centrales. La Russie qui, après avoir engagé la vérification de l'état du nucléaire civil russe et de ses perspectives avant un mois, Vladimir Poutine avance mardi la volonté d'accélérer la réalisation de projets d'exploitation de gisements d'hydrocarbures en Extrême-Orient, dont particulièrement le projet Sakhalin. Aux États-Unis, vous avez Obama, lui, qui relance la filière nucléaire américaine, reste d'abord discret, voire muet après la déclaration des dommages à Fukushima. Et puis, lui, carrément, il s'est lancé dans un nouveau budget de prêt et de nouveaux budgets pour plusieurs dizaines de milliards de dollars en 2011 qui vise un investissement de plusieurs centaines de milliards uniquement pour renouveler leur centrale vieillissante. Obama, lui, qui est à fond dans l'énergie nucléaire. C'est laissé une carte pour les derniers estimés des retombées radioactives dans le monde. Alors, voici une carte animée très importante. La radioactivité passe maintenant au-dessus de nos têtes au Québec. Vous avez des nouvelles à propos de ça. Vous avez deux sites où vous trouverez des graphiques qui modélisent l'arrivée de nuages radioactifs au-dessus de tous les pays du monde. Le Québec est actuellement touché. Selon ces données, l'Europe devrait voir le nuage dès le 23 mars. Devait voir le nuage arriver dès le 23 mars. Est-ce que nous devons craindre cette radioactivité qui se disperse au-dessus de nos têtes? Les autorités prétendent que les risques sont négligeables, tandis que certaines documentations prétendent que les retombées du césium-137 sont extrêmement dommageables pour la santé humaine. Comme je vous disais, il peut ne pas en avoir beaucoup, ça peut être seulement des traces, mais il suffit que vous absorbiez une seule de ces particules-là, et puis ça y est, vous avez de la radioactivité qui est émise directement dans votre corps, ce qui est extrêmement grave. Donc, je vous invite à faire vos recherches, à consulter plusieurs informations que je vais vous laisser, plusieurs informations sur le césium-137 qui est particulièrement toxique et oco-toxique aussi, mutagène, affecte a priori tous les êtres vivants, d'autant plus qu'ils sont jeunes. La toxicité est chimique, mais elle résulte surtout ses problèmes presque essentiellement de ses propriétés radiologiques. On parle aussi d'effets radiatifs et ionisants. On peut trouver plusieurs informations par rapport à ça. Là-dedans, des effets possibles, on parle d'atteinte du système immunitaire, délétion de la fonction de reproduction, effet hépatotoxique, affection rénale, trouble de la minéralisation osseuse, lésion cérébrale éventuellement associée par des troubles neurologiques. On va aller voir ça. C'est vraiment pas bon, là, évidemment, pour la santé. Puis là, ben, on va terminer les nouvelles avec le premier ministre japonais qui a annoncé très récemment que la situation était actuellement extrêmement critique. Un reportage de ABC News, d'ailleurs, qui a été diffusé, je crois qu'il y a 2 jours, expose très clairement qu'une catastrophe nucléaire mondiale est en cours. Alors, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, le message est assez clair. C'est confirmé par le premier ministre japonais que le réacteur numéro 3 laisse échapper des radiations contenant du plutonium, agent chimique le plus toxique connu pour la science actuelle. La situation est décrite comme étant maintenant incontrôlable et sérieuse. Du moins, de moins en moins de travailleurs s'affairent à réparer les installations parce que le danger d'être contaminé est extrême. Selon l'expert japonais, le Japon pourrait devenir une zone mortelle. Des taux de radiation à 20 km de la centrale de Fukushima sont maintenant de 1 600 fois plus élevés que la normale. Mais ne soyez pas inquiets, les autorités ont le contrôle, même sur tous les inventaires d'iode de potassium de la planète. Les pharmaciens du Québec ont reçu l'ordre de ne pas distribuer d'iode de potassium sans avoir préalablement, obligatoirement, obtenu une prescription médicale qui autorise la prise de ce médicament. Ça a été porté par le Herald Sun. Vous avez des nouvelles ici qui parlent évidemment des évacuations. On parle, vous avez Edano, le gouvernement qui ont conseillé à leurs résidents d'évacuer volontairement la région dans un rayon de 20 à 30 km autour de la centrale de Fukushima. On n'a pas encore là demandé vraiment des évacuations forcées à part vraiment dans les alentours immédiats là, de 12 km de la centrale. Vous avez le Japon qui évacue de façon tranquille et silencieuse de plus en plus de personnes quand même à travers cette région-là où on a retrouvé évidemment des taux de radiation des fois jusqu'à 1 200, 1 600 la limite à plusieurs kilomètres de distance de la centrale. Vous avez beaucoup d'eau, vous avez l'eau potable qui même jusqu'à Tokyo est contaminée, vous avez des taux plus ou moins élevés de l'eau. On a demandé aux gens d'ailleurs à Tokyo de cesser de boire l'eau du robinet. Vous avez plusieurs types de nourriture qui sont maintenant contaminées, plusieurs pays qui évitent maintenant d'importer de la nourriture du Japon. Vous avez même des bateaux cargo qui évitent les ports et puis même les eaux environnantes, le Japon, parce qu'on a déjà des bateaux qui ont été contaminés juste en passant au large du Japon. Pensez à ça, quand même assez particulier. Et puis, vous avez évidemment plusieurs pays qui maintenant ont tout simplement rapatrié leurs gens qui étaient à l'intérieur du pays. On évite maintenant de s'y rendre en avion. Vous avez plusieurs pays aussi qui ont décidé de demander à leurs citoyens de quitter la région. Alors, vous avez aussi plusieurs gens qui habitent dans les environs de Tokyo qui commencent à être vachement inquiets de ce qui se passe. Après ça, on apprend ici dans d'autres nouvelles que finalement, qui va payer pour ça? C'est probablement les citoyens, les Japonais. Alors, ça aussi, c'est des ententes qu'il y a entre le secteur nucléaire privé et puis le gouvernement. C'est que la facture est en grande partie prise par le public parce que les assurances ne couvrent pas. Alors, c'est qui va payer pour ces affaires-là? Hein? C'est le privé qui amène. C'est les lobbies privés de l'énergie nucléaire qui amènent ces super centrales. Et puis quand ben, il arrive des désastres comme ça, eh ben, c'est le peuple qui va payer. Alors, c'est absolument incroyable. Alors, vous allez voir que les gens là-bas au Japon vont devoir payer des milliards de dollars. Vous avez d'ailleurs des banques privées qui ont avancé l'argent à l'opérateur TEPCO. Vous avez environ 17,4 milliards d'euros qui ont été avancés à l'opérateur TEPCO pour comme aide financière destinée à assurer la réparation des centrales endommagées ainsi que le démantèlement de la centrale de Fukushima. Et rapporté par Reuters et la Austria Central Institute for Meteorology and Geodynamics, vous avez écoutez, des quantités assez importantes déjà qui se sont échappées de Fukushima de produits radioactifs. On compare souvent ça à Tchernobyl. Vous avez l'IA de 131 qui a été relâchée dans les 3 premiers 4 jours. Les 3 premiers 3 ou 4 jours de la crise étaient constitués environ 20% de ce qui a été relâché par Tchernobyl durant la période de 10 jours que ça a été en accident nucléaire, si vous voulez. Et la quantité de césium-137 correspond à environ 50% de ce qui a été rejeté par Tchernobyl. Alors, on voit que déjà les taux augmentent énormément. Le New York Times qui rapportait que des experts suggèrent que les relâchements de radioactivité qui sortent justement des vapeurs des réacteurs qu'on voit depuis 2 semaines, déjà depuis au-dessus de 16-17 jours, pourraient atteindre des émissions de césium-137 qui pourraient être 500 % plus élevées que celles lâchées par Tchernobyl, alors que celles de l'iode-131 pourraient être 200 % pire. Alors, 2 fois pire, quoi. Alors, vous voyez que, évidemment, vous avez 3 de ces réacteurs-là qui sont en train de fusionner, dont un qui fonctionne au MOX, comme je dis, au plutonium et l'uranium. Et vous avez, évidemment, là, l'uranium qui a une demi-vie, le plutonium, c'est-à-dire le plutonium qui a une demi-vie de 24 000 ans. Donc, vous avez seulement quelques petits milligrammes de plutonium 239 qui s'échappent dans la fumée, pourraient contaminer le sol pour des dizaines de milliers d'années. Alors, voyez là qu'on est en face d'une situation absolument catastrophique. Donc, une autre nouvelle ici qui parle qu'on a même des niveaux de radiation au réacteur numéro 2 qui sont au plus haut enregistrés et puis qu'on a même observé à 13 reprises des faisceaux de neutrons. Alors, des faisceaux de neutrons, c'est dû à quoi? C'est dû justement à une fission de son cœur. Et ça veut dire qu'on se retrouve avec des matériaux en fusion à extrêmement haute température qui vont probablement fondre à travers le réacteur, passer à travers le réacteur et aller contaminer les nappes phréatiques, se déverser dans les sols et dans l'océan. Alors, on va se retrouver avec une situation complètement incontrôlable, même si on enterrait ça de millions de tonnes de sable et de béton et puis de n'importe quoi. Je veux dire, on se retrouve avec de quoi qui est simplement répandu dans le sol. Donc, voyez là que c'est vraiment, comme je disais, c'est une situation qui est hors contrôle. C'est clair que c'est absolument hors contrôle, surtout qu'à Tchernobyl, on avait seulement un réacteur qui était en fusion, alors que là, on se retrouve avec au moins 3 réacteurs, plus les piscines d'entreposage qui contiennent des milliers de tonnes, de 1 700 à 3 000 tonnes de matière radioactive déjà utilisée, donc de carburant irradié. Et qui risque lui aussi d'entrer en très haute température et puis de libérer des quantités phénoménales de produits toxiques et radioactifs dans l'air. Donc, cette semaine, on a beau eu connecté les centrales avec de l'électricité, on a retrouvé l'électricité dans certaines d'elles. On s'est aperçu qu'on a beaucoup de la misère à gérer les pompes. Plusieurs de ces pompes sont endommagées là. Les travailleurs ne peuvent pas rentrer sous les réacteurs parce que les taux de radioactivité sont extrêmement élevés. Il faut évacuer cette eau contaminée. On est vraiment pris parce que les taux de radiation sont tellement élevés que personne ne peut y accéder. Donc, on est vraiment pris dans une situation où il est très, très difficile d'opérer. Donc, même si on a rétabli le courant dans certaines de ces centrales-là, on n'est pas en mesure de rétablir les pompes. Et puis, vous avez une de ces piscines d'entreposage-là qui est déjà fissurée aussi, comme je vous parlais la semaine passée, avec laquelle on est encore pris. Vous avez des échappements de, si vous voulez, de vapeurs toxiques, de genre de fumée qui s'échappe de là constamment. Et puis, ben voilà quoi. Donc, en plus, le Japon qui est encore secoué par des tremblements de terre, donc ça n'arrête pas. Et puis, les taux, comme je vous disais, là, qui continuent d'augmenter, même à distance, là, vous avez des taux, comme je disais, 1 600 fois la norme à plus de 20 km de Fukushima, ce qui est énorme. Alors, 161 microsieverts par heure qui a été détecté dans la ville de Nemi à Fukushima, dans la préfecture de Fukushima. Donc, c'est vraiment pas une situation, comme je vous disais, qui est drôle. C'est de quoi qui va marquer l'histoire. Ça va changer le courant des choses. Le Japon ne sera plus jamais le même. Il y a un avant et après. La chaîne alimentaire maintenant qui est contaminée au Japon. En tout cas, particulièrement tous les produits qui viennent de cette région-là. Et puis, on se retrouve avec, je veux dire, une situation où les Japonais n'auront peut-être pas beaucoup d'eau à boire, là. Je veux dire, ces gens-là, à Tokyo, sont censés ne plus boire, consommer l'eau du robinet. Donc, ils prennent leur douche avec quoi? Je ne sais pas. Ils vont se nourrir avec quoi? Je ne sais pas. Vous avez les bateaux qui refusent maintenant d'accoster dans le nord de l'île. Alors, que vont-ils manger? Je ne sais pas. Sauf que vous voyez là, que la situation, là, on n'a rien vu encore, là. Je veux dire, ça va commencer à prendre forme dans les prochaines semaines, dans les prochains mois à venir. Vous allez voir que c'est une situation qui est absolument catastrophique. Donc voilà, nous on va s'arrêter là. C'est tout pour l'autre monde de cette semaine. Donc je vous souhaite une semaine radioactive, joyeuse. fantastique avec des beaux bombardements humanitaires à l'uranium appauvri sur le Liban. Célébrons vraiment ces événements fantastiques. Et puis, ben, coudonc, pensons à ces gens qui ont décidé de sacrifier leur vie pour essayer de contenir ce désastre nucléaire au Japon. Ces travailleurs anonymes qui, à tous les jours, vont essayer, en entrant dans la zone hautement contaminée, de contenir la situation. Donc, moi, je leur lève mon chapeau, je leur dédie toutes mes meilleures pensées de la semaine. C'est certain que ces gens-là soient bénis, quoi. Alors, voilà. C'était François Marginan pour L'Autre Monde. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!